En direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Toute l'équipe de C'est fou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce dernier reportage de la saison 2016 des Aigles de Trois-Rivières qui reçoivent pour l'occasion la visite des Miners de Sussex. Mon nom est Simon Laliberté, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour ce match de baseball. Les Aigles et les Miners vont officiellement terminer leur série ce soir, en fait leur saison régulière aujourd'hui, puisque les deux équipes sont officiellement exclues des séries éliminatoires. Donc pour les Aigles, bien, on vogue présentement sur une séquence de deux victoires de suite, puisque l'équipe l'a emporté hier en fin de dixième et l'a emporté il y a deux jours par la marque de 18-3. Et pour les Miners, bien, eux ont une fiche qui ressemble drôlement à celle des Aigles, puisque pour Trois-Rivières, 35-64, et pour Sussex, 38-61. Donc on joue pour la forme cet après-midi, mais en même temps pour l'honneur, puisque beaucoup de gens se sont déplacés au stade Stéréo Plus pour ce dernier match de baseball de l'année. Les joueurs qui vont prendre l'avion ce soir, demain matin, donc veulent laisser une bonne dernière impression. Donc, on risque d'avoir une belle après-midi au stade Stéréo Plus. Et il y a quelques secondes, on vient de décerner les honneurs individuels pour les Aigles cette année. Donc, on pourra en parler pendant ce reportage. Mais vite comme ça, là, Connor Crane a été élu la recrue de l'année. Alvarez, le lanceur de l'année. Matteo, le joueur par excellence de l'année. Et Simon Gravel, lui, a été élu le joueur communautaire de l'année 2016. Et sans plus tarder, bien, allons-y avec les alignements de départ du match. Tout d'abord, pour les Miners, formation du gérant Bobby Jones. Au premier rang, le voltigeur de droite numéro 8, Brandon Webb. Frappant en deuxième, le joueur de deuxième but, le numéro 22, Nick Giaraputo. Au troisième rang, le numéro 21, Jay Austin. Austin, le frappeur de choix. Au quatrième rang, le joueur de premier but, numéro 10, Alex DeBellis. Au cinquième rang, le numéro 13, Carl Tomore. Tomore, le voltigeur de centre. Frappant sixième, voltigeur de gauche, numéro 17, Dominic Taylor. Au septième rang, l'arrêt court numéro 2, Chris Chiradio. Frappant huitième, receveur numéro 27, Nate Irving. Et au neuvième rang, numéro 5, John Brocker. Brocker, joueur de troisième but. Et sur la butte pour les Miners, lanceur gaucher numéro 24, Ryan Kulick. Voici maintenant l'alignement de départ des Aigles du gérant T.J. Stanton. Au premier rang, le voltigeur de gauche, numéro 10, Jiwon James. Au deuxième rang, le numéro 8, Ryan Brockett. Brockett, le joueur de deuxième but. Au troisième rang, frappeur de choix aujourd'hui, numéro 13, Javier Herrera. Frappant quatrième, le joueur de troisième but, numéro 3, Daniel Mateo. Au cinquième rang, voltigeur de droite, numéro 25, Connor Crane. Frappant sixième, le voltigeur de centre, numéro 19, Steve Brown. Frappant septième, le numéro 21, Mike Schwartz. Schwartz, le joueur de premier but. Au huitième rang, le numéro 12, Kyle LaFrenz. LaFrenz, le receveur. Et au neuvième rang, l'arrêt court, numéro 16, Jesus Merchant. Et sur la butte pour les Aigles aujourd'hui, le numéro 20, Edelson Alvarez. Alvarez sera le lanceur droitier. Donc, courte pause au retour. Le début du match, en vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. Du spectacle de la rentrée à GEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30 $ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35 $ à la porte. Le spectacle de la rentrée de la GEUQTR, une présentation de C'est fou 89.1 FM. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio C'est fou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. De C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. Le retour au stade Stéréo Plus de Trois-Rivières pour ce dernier match de la saison 2016 des aigles qui reçoivent la visite des Mariners de Sussex. C'est par là qu'on termine l'interprétation de l'hymne canadien, mais avant ça, on a observé une minute de silence au stade Stéréo Plus. Pourquoi? Puisque hier soir, bien, l'hélicoptère que pilotait Frédéric Descostes, qui contenait à bord Bob Bissonnette et Michel Laplante, bien, accident d'hélicoptère. Donc, Bob qui est décédé, tout comme le pilote, et Michel Laplante, le président des Capitales, lui, bien, est à l'hôpital présentement, ne craint pas pour sa vie. Donc, on a observé une minute de silence au stade. Et je peux vous dire que ce matin, hier soir, la grande famille des Capitales de Québec, c'était des moments très difficiles à vivre pour eux parce que Bob, depuis le mois de février, était copropriétaire de l'équipe, amenait beaucoup d'idées au point de vue des promotions du marketing, en plus d'être chansonnier à tous les mardis sur la terrasse là-bas. Et Michel Laplante, bien qu'il est le grand Manitou à Québec, lui, bien, est hospitalisé au Nouveau-Brunswick, sera de retour à Québec, on parle dans 4 ou 5 jours. Et les Capitales qui, eux, bien, vont amorcer les séries mercredi. Donc, on va voir vivre un deuil. Et c'est pas des moments très faciles à vivre parce que beaucoup de membres de la famille de Michel Laplante travaillent pour les Capitales de Québec. Donc l'ambiance doit en avoir pris un coup. Et espérons qu'ils vont être capables de se relever. Et pour nous, bien cet après-midi, dernier match de l'année, Alvarez prend ses tirs de réchauffement. Tout à l'heure, a été élu le lanceur de l'année chez les Aigles. Et moi, je croyais bien qu'Alvarez aurait eu la chance également de remporter le titre de lanceur de l'année dans la Ligue Can-Am. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est Austin Chrisman, des champions d'Ottawa, qui au final a été élu le lanceur de l'année. Et Chrisman n'a pas volé là, cette mention à Alvarez. Mais dans le cas d'Alvarez, saison phénoménale. Il a commencé comme releveur, transformé en partant. Moyenne de points mérités de 2,62. Dossier de 6 victoires et 4 défaites. Alvarez va atteindre les 100 manches cette année. 85 retraits au bâton, 32 buts sur balle. C'est un 12e départ, une 30e apparition dans un match pour lui. Et ce n'est pas une simple coïncidence qu'Alvarez lance le dernier match de l'année. On avait prévu Rush hier, Alvarez aujourd'hui. Les deux meilleurs lanceurs de l'équipe terminent la campagne. Et pour les Aigles, eh bien cet après-midi, on a la chance d'aller chercher une 3e victoire de suite. L'équipe qui a échappé le premier match au compte de 5-2. L'emporté dans le deuxième, 18-3. Et hier, victoire en fin de 10e grâce à un point produit de Connor Crane. Les Aigles l'ont emporté par la marque de 10-9. Et dès le premier frappeur du match, c'est une balle frappée dans la droite par Brendan Webb. Devant Connor Crane, c'est un simple pour le numéro 8. Les officiels pour le match de cet après-midi, au marbre, Matt Beaver. Au premier, Cody Cummings. Et au troisième, Alex Lowry. Les Aigles portent la chemise blanche, pantalon blanc. Et pour les Miners, chemise grise et pantalon gris. Nick Giraputo est le prochain à s'amener. Le tir d'Alvarez rate à l'extérieur, c'est une première balle. Giraputo, cette année, 288 de moyenne. Avec 7 longues balles, 48 points produits. On décide de remettre au premier. On lance un avertissement à Brendan Webb. Hier, un seul coup sûr en 5 apparitions au bâton. Webb a volé 11 buts cette année. Mais le plus rapide chez les Miners est au cercle d'attente. Il est le frappeur de choix ce soir. Il s'appelle Jay Austin. Deux balles et une prise pour Giraputo. Nous sommes en tout début de match du côté du stade Stéréo Plus. Alvarez, le droitier accepte. On s'en va à l'intérieur. Fausse balle sur le toit du stade. Pour les Aigles, aujourd'hui, on nous avait remis un premier alignement. Et à la dernière seconde, Santin qui a fait quelques changements. Et au final, bien c'est Jackson Ruiz qui va écoper. Donc, il n'y a pas d'alignement puisque James a été placé dans la gauche et Merchant à l'arrêt court. Donc, comme receveur, c'est LaFrance au premier, Schwartz au deuxième, Brockett. Matteo est au troisième but et justement, Merchant est à l'arrêt court. Et au champ extérieur, de la gauche vers la droite, James, Brown et Crane. Deux balles et une prise pour Giraputo. Encore une fois, Alvarez tente de surprendre le coureur au premier qui, lui, demeure debout. Schwartz avait connu toutes sortes d'ennuis dans le match de vendredi au premier but. Et on lui a fait confiance pour ce dernier match. Balle expédiée en hauteur du côté droit qui va saisir. Tout le monde s'amène à la balle, mais au final, elle tombe au sol dans le territoire des balles fausses. On a vu ce genre de situation hier avec une collision entre Matteo et Herrera, le joueur de premier but, le voltigeur de droite. Une balle frappée comme ça dans les airs, à l'entre-champ tout près de la ligne, bien, c'est difficile pour tout le monde puisque le voltigeur, en principe, est très, très loin de la balle. Le joueur de premier but est complètement dos à la balle et le meilleur joueur pour saisir cette balle reste le joueur de deuxième but. Mais celui-ci doit avoir toute une course pour aller à la balle, mais Il est le mieux placé en principe. 3 et 2 pour Giraputo. Aucun retrait avec Webb au premier. Le tir. Autre fausse balle du côté droit. La fiche des Aigles. Lorsqu'on dispute un match en journée, 3 victoires et 16 défaites. Et hier, la victoire de l'équipe, c'est une victoire remportée alors que l'équipe tirait de l'arrière après 6 matchs. Et c'était seulement une 4e victoire dans une telle situation. Fiche de 4 et 50 pour les Aigles. Lorsqu'il tire de l'arrière après 6 manches, et Alvarez va chercher un retrait au bâton dès le départ. Giraputo, la victime. Et l'excellent Jay Austin va s'amener. Giraputo a tout de même été chercher plusieurs lancers contre Alvarez. Dans les circonstances, une bonne apparition au bâton. Dans le cas de Jay Austin, toute une moyenne à 338. La 3 longue balle, 39 points produits. C'est un gaucher contre le droitier Alvarez. Le premier tir haut et à l'extérieur, c'est une balle. On va surveiller deux autres matchs aujourd'hui du côté de Ottawa à compter de 13h35. Éric Gagné sera sur la butte pour les champions. Tout un match à surveiller qui n'a pas d'importance pour le classement, mais on a connu toute la saga là, entre Gagné et les Capitales et les Aigles dans les 3 dernières semaines. Donc Gagné qui va attirer bon nombre de spectateurs au Parc Raymond Chabot, Grant Thornton. Et l'autre match, bien, il commencera à 2h du côté de Rockland. Les Jackals vont visiter les Boulders. Voilà qu'on réussit une claque au champ centre pour Jay Austin. Ça tombe devant Steve Brown. Deuxième coup sûr dans cette manche. Le Friends était allé rendre visite à Alvarez sur la butte. Et Debellis sera le frappeur et dans son cas, 321 de moyenne, 4 coups de circuit, 26 points produits. Debellis qui a frappé la longue balle hier était le receveur. N'a pas terminé le match. Dans le cas de Debellis, bien, avec son gérant Bobby Jones, hier, lorsque je vous parlais, je mentionnais que Jones s'en prenait à son receveur sur la butte devant tous les autres joueurs et les partisans dans le stade. Et j'ai discuté avec TJ Stanton après le match qui me confirmait que Jones, s'en prenant son receveur, n'était pas content là, de son travail. Beaucoup de balles qui bondissaient sur son équipement, qui permettaient aux Aigles d'avancer sur les buts. Et Debellis qui n'avait pas terminé le match, on avait placé un autre receveur en 10e manche. Et ce soir, bien plutôt cet après-midi, excusez-moi, c'est Irving derrière le marbre et Debellis est le joueur de premier but. Le tir d'Alvarez rate à l'extérieur, 2e balle. Webb est au deuxième, Austin est au premier. Un seul retrait, nous sommes en tout début de match du côté du stade Stéréo Plus. Et les deux autres matchs dans la CANAM aujourd'hui que je vous parlais à Ottawa et Rockland n'auront aucune importance pour le classement. Puisque hier, les Jackals l'ont emporté, ont confirmé leur première position. C'est donc une première fois depuis 3 ans. Que les Boulders ne termineront pas au sommet de la Ligue CANAM. Les Jackals vont entrer par la grande porte en série comme étant les favoris pour rafler la Coupe CANAM. 2 balles et 2 prises pour Debellis. Le tir et ça touche le bâton. Fausse balle pour le numéro 10. Donc à compter de mercredi, bien, les Boulders vont visiter les Capitales de Québec. Mercredi et jeudi, les matchs au stade municipal. Et dans l'autre série, les champions vont recevoir la visite des Jackals mercredi et jeudi. Et les matchs 3, 4 et 5 vont être disputés au domicile des équipes qui ont terminé le plus haut au classement, puisque la demi-finale et la finale, bien, ce sont des séries 3 de 5. 2 et 2. La balle est frappée vers Merchant qui va remettre au deuxième point. Et au premier, attaque pour le double jeu! Qui s'inscrit 6, 4 et 3. Dans cette demi-manche pour les Miners, pas de points, 2 coups sûrs par l'erreur. Et un coureur a été laissé sur les buts. On s'en va en fin de première avec une marque de 0 à 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie de Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici enfin la première manche au stade Stéréo Plus. 0 à 0 la marque. Et on a remarqué Merchant qui occupe le poste d'arrêt court à la place de Ruiz qui a commencé cette balle à double jeu tout à l'heure. Bien, dans le cas de Merchant, à la base, c'est un joueur d'arrêt court. Lorsqu'on l'a signé, c'était le remplaçant tout destiné pour remplacer Pedro Lopez qui, lui, avait connu une saison mémorable. Disons-le comme ça, l'an dernier, avait été l'un des principaux artisans là, de cette première coupe pour les Aigles. Et Merchant, on le voit à l'arrêt court, j'ai bien aimé de la façon qu'il a tourné cette balle à double jeu. Mais avec toutes les blessures qu'il a eues cette année, bien, le joueur d'arrêt court doit être très mobile. Et dans le cas de Merchant, bien, c'est lui-même qui l'avouait, n'était pas en pleine forme. Et ça a forcé La Forêt et Stanton à utiliser des joueurs comme Ruiz et surtout Morales pour une bonne partie de la saison comme joueur d'arrêt court. Et pour les Aigles dans cette manche, James Brockett et Herrera vont s'amener contre le partant Ryan Kulick. Dans le cas de Kulick, c'est un 9e départ pour lui cette année. A lancé 46 manches. Moyenne de points mérités de 4.61. 9 fiches de 4 victoires, 2 défaites. Et ratio de 10 retraits au bâton contre 10 buts sur balle. Aucune balle et une prise à Jawan James. Là, qu'une balle. Au champ centre, longue course du voltigeur et c'est un coup sûr dès le départ pour le numéro 10. James n'était pas d'alignement lors des 2 derniers matchs. Joueur de statut LS5. Donc, on va lui permettre de jouer aujourd'hui, tout comme Merchant, le vétéran, puisqu'on le rappelle, au départ, n'était pas supposé d'être de l'alignement. Et Brockett va suivre. Et dans son cas, Brockett, 2,96 de moyenne, avec 10 points produits, 18 buts sur balle à sa fiche. Toute une saison pour Brockett. Il a été libéré d'Ottawa. S'amène ici et réussit à prendre le poste de joueur de deuxième but. Le tir qui touche la zone des prises. Aucune balle et une prise pour Brockett avec James au premier. Pour les Miners, en défensive, on retrouve Irving derrière le membre. Deberlis est au premier. Giraputo est au deuxième. Brocker dispute un premier match dans cette série, est au troisième but. Et Chiraglio, le joueur d'arrêt court. Au champ extérieur de la gauche, vers la droite, Taylor, Tomar et Webb. Aucune balle et deux prises maintenant pour Brockett. Longue pause du gauche. Un tir. Troisième prise sur décision. Une rapide au coin extérieur. Brockett qui hoche la tête et retourne avec son bâton à l'abri. Premier retrait de cette demi-manche. Et le frappeur de choix aujourd'hui, Javier Herrera, va s'amener. Herrera, hier, un très gros coup sûr. Un but sur balle en dixième manche également. Mais dans son cas, trois retraits au bâton. Il les accumule là, dans cette dernière semaine d'activité, les retraits au bâton pour le numéro 13. Le tir de Kurek, prise sur décision. Un cas d'Herrera cette saison à 5 doubles, aucun triple, 3 longues balles et 36 points produits. Il dispute un 57e match aujourd'hui. 65 retraits au bâton à sa fiche. Et on va prendre le coureur en situation de souricière. Donc, on remet la balle au joueur de deuxième but, Jawan James, qui court vers le premier. Glisse et la sauve! James qui se tire très bien de l'embarras. On a complètement manqué là, pour les Miners sur ce jeu. Le joueur de deuxième but était convaincu de pouvoir toucher à James. Et lui a plongé sur le ventre. Et sa glissade là, n'était pas parfaite dans le sens où son ventre est tombé directement sur le premier but. Et non, le bout de ses doigts, mais il est sauf. C'est le principal dans toute cette histoire. Aucune balle et une prise pour Javier Herrera. Gaucher contre droitier. Et le tir. Deuxième prise sur décision. On n'aura donc jamais eu de nouvelles de sa demande de réfugié politique pour Javier Herrera pendant la saison de baseball. On devrait avoir des nouvelles pour la famille là, d'ici le mois de décembre. On espère pour lui que les choses vont bien aller puisque sa famille se plaît drôlement à Trois-Rivières. On le rappelle, Herrera est un joueur originaire du Venezuela. Au terme de la saison dernière, lorsqu'il est retourné dans son pays, eh bien, on a eu des tentatives d'enlèvement de ses enfants à l'école à deux reprises. Et à la deuxième, eh bien, Herrera a décidé de revenir à Trois-Rivières et faire ses demandes. Donc on va chercher une deuxième balle, 2 et 2. Il n'a pas été capable de commencer la saison puisqu'il n'avait pas son permis de travail pour être au Canada. Chose qu'il a obtenue par la suite. Mais il n'a pas joué de match aux États-Unis cette année. Donc c'est pour ça qu'il a joué seulement 56 matchs avant celui d'aujourd'hui. On remet encore une fois la balle au premier. 2 et 2 pour Herrera. James, lui, a dû encore une fois plonger sur le ventre. Kurek regarde au premier. Et le tir. Fausse balle d'Herrera du côté gauche. Est-ce que Éric Gagné va être capable de connaître un bon départ avec l'équipe des champions. On avait lancé l'an dernier un seul match avec les Aigles. C'était quand même très bien tiré d'affaire. 2 balles et 2 prises pour Herrera. Le lancer, 3e prise serait là. Après Brockett sur décision, bien Herrera sur élan retourne à l'abri. Et le joueur de l'année chez les Aigles et membre de l'équipe d'étoiles de la Ligue canadienne, Daniel Matteo, se présente au bâton. Et l'annonceur maison, André Beauchesne, a simplement mentionné le nom de Daniel et les gens ont crié Matteo. Donc, on commence. Non pas on commence, puisque Matteo est ici depuis la fin de la saison 2014. Et c'est un joueur extrêmement apprécié par les spectateurs Mathéo, très généreux de son temps, ne parle pas très bien l'anglais, ne parle pas un seul mot français, vous comprendrez. Et le sourire aux lèvres toujours, ne sait pas toutefois là, tous les mots qui se disent dans une conversation. Pendant que James vole la deuxième, un an départ, mais le relais n'est pas à temps. Vol de but pour le numéro 10. Et je vais retrouver pour vous là, dans les prochaines secondes l'affiche d'Éric Gagné l'an dernier lors de son départ avec les Aigles. Pendant que Mathéo demande le temps d'arrêt contre une balle et une prise au tableau. Donc, pause de Koulik. Regarde James qui est très loin du deuxième but. Et le tir, fausse balle du côté gauche. Un cas de Mathéo, 316 de moyenne, 8 longues balles. Mène l'équipe avec 56 points produits. Dans le cas de Gagné, l'an dernier avait lancé le 28 août, ici même au stade Stéréo Plus. En 4 manches et un tiers, avait accordé 1 point, 2 coups sûrs seulement, 5 buts sur balle et réussi 2 retraits au bâton. Brad Street avait récolté la victoire et Downing le sauvetage. Mathéo claque une balle faiblement du côté gauche. Brocker remet au premier, attend pour le troisième retrait. Le retrait qui s'inscrit 5 et 3. Et dans cette manche, pour les Aigles, pas de points, un coup sûr, pas d'erreur et un coureur a été laissé sur les buts. On s'en va en deuxième avec une marque de 0 à 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Dans le cadre du spectacle de la rentrée à GEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile, Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30$ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35$ à la porte. Le spectacle de la rentrée de AGE-UQTR, une présentation de C'est fou 89.1 FM. Magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité les mardis à 20h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. En ondes, les soirs sans diffusion officielle du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en début de deuxième avec une marque de 0 à 0. Deux coups sûrs pour ce sexe, un pour les Aigles. Tomor, Taylor et Trivia vont s'amener au bâton dans cette manche. Tomor, moyenne à 258, utilisé comme premier frappeur lors des matchs 1 et 2 de la série. Hier, était au cinquième rang, même chose dans le match d'aujourd'hui. Alvarez va chercher la deuxième prise grâce à cette fausse balle en flèche du côté droit. Tomora, 70 coups sûrs en 271 apparitions au bâton, 3 longues balles, 30 points produits. Zéro et deux. Troisième prise serait là. Toute une balle à effet d'Alvarez. Et Thomas qui s'est lancé une bonne seconde avant que cette balle touche au Gambler Friends derrière le marbre. Et Dominic Taylor va suivre. Est-ce que le Friends va être capable de jouer un match complet? Aujourd'hui, hier encore une fois, bien, on a placé la Vallée en 8e pour terminer le match. La Vallée qui a obtenu 2 départs dans la dernière semaine. Et pourquoi qu'on ne voit pas Simon Gravel derrière le marbre depuis un petit bout? Bien, commotion cérébrale dans son cas, une 3e en 1 an et demi, une légère toutefois. Et il faut croire que c'est une légère, puisque hier, Gravel a joué un match dans la Ligue de baseball junior élite du Québec avec le Royal de Repentigny. Le cas de Gravel, il a joué 2 matchs là-bas cette année. Son père est l'entraîneur, c'est la finale contre le Hall Volant de Gatineau. Et Gravel était simplement frappeur de choix hier, donc il n'était pas derrière le marbre. Pour jouer dans le baseball junior comme ça en série, bien, il a dû être libéré par les Aigles. Et pour réintégrer un joueur dans un alignement, bien, tu dois attendre 7 jours. Donc, vu que c'est le dernier match de la saison, Gravel est présent au stade. Il est dans l'abri avec ses joueurs, mais ne pourra pas jouer pendant qu'on claque une balle du côté gauche. Hors de portée du joueur Draco Merchant. C'est un simple pour Dominic Taylor. Et un joueur comme ça qui joue depuis 2 ans chez les pros et qui va jouer un match dans le baseball junior, bien, je peux vous dire qu'il a l'avantage des balles qui arrivent beaucoup moins vite, beaucoup moins de mouvement dans les tirs. Et hier, lors du premier match de la finale, Repentigny l'a emporté 19-11 à la maison. Et pour Gravel, je regarde ses statistiques présentement. Il a joué au premier but aussi en 2 apparitions au bâton. Il a 1 coup sûr, 1 point marqué, 1 point produit. Et quand tu comptes sur un joueur comme Simon Gravel dans ton alignement au baseball junior, bien, l'autre équipe doit être un petit peu intimidée. Un joueur pro comme ça qui a été repêché par les Red Sox. Et dans le cas de Gravel, bien, si on fait un bilan de ses 2 premières années avec les Aigles, on ne peut pas dire qu'il a été étincelant. On ne s'attendait pas à ça. C'est un receveur de réserve. Mais dans son cas, le discours demeure. Oui, c'est une bonne chose qu'il voit des tirs, qu'il côtoie des joueurs professionnels à un si bas âge, mais en même temps, joue si peu de matchs pour son développement. Je ne sais pas si c'est optimal. Donc, Stanton qui pourra prendre une décision pendant la saison morte, pendant qu'on tente le coup filet. Et cette balle qui va rouler du côté gauche. C'est donc une prise au tableau, une 2e pour Chris Chiraglio. Chiraglio utilisé au 9e rang lors des 3 premiers matchs. Aujourd'hui, frappe 7e. A réussi une première longue balle cette saison hier contre Matthew Rush. Ça pour dire que Gravel, bien, sa saison n'est pas terminée. Les Aigles, eux, terminent cet après-midi, mais lui pourra poursuivre avec l'équipe de Repentigny. Et cette série finale, bien, qui va se poursuivre cette semaine. Fausse balle du côté gauche, toujours 2 prises au tableau. Le prochain match de la finale aura lieu jeudi au Parc Saint-Cartier à Gatineau. Et le lendemain, vendredi le 9, bien, le 3e match aura lieu à Repentigny au Parc Champigny. Le tir est trop bas. C'est une 2e balle, 2-2 pour Chiraglio. Chiraglio seulement 178 de moyenne. 13 points produits. Un excellent joueur de récours toutefois, une belle trouvaille de Bobby Jones, mais au bâton, on l'arrache un petit peu. Alvarez remet au premier! C'était serré. Mais au final, pour Chiraglio, ça coûtera simplement une brassée de lavage. 3 coups sûrs pour ce sexe, 1 seul pour les Aigles. Nous sommes en début de 2e au stade Stéréo Plus, marque de 0-0. Le courant est en course et la balle est frappée par-dessus la tête de Brockett et ça roule au champ centre droit. Et on va stopper le coureur Taylor au 3e. C'est un simple pour Chiraglio. Et le court et frappe qui fonctionne à merveille pour les Miners. Et on a une chance de marquer un point avec Nate Irving qui se présente au marbre. Et pour Nate Irving, il a un congé. Et c'est un excellent défense, plutôt receveur défensif. Une bonne pièce, mais au bâton à 183 de moyenne, seulement une longue balle. 23 coups sûrs en 126 apparitions au bâton. Pour un joueur de son gabarit, c'est un petit peu décevant. Il s'installe dans le rectangle des frappeurs droitiers. Et pour les Aigles, si on a le temps de faire la balle à double jeu, on doit la faire. On doit oublier le coureur au troisième but, se concentrer sur la balle à double jeu si une balle est frappée au sol à l'avant-champ. Aucune balle et une prise pour Irving. Alvarez regarde au premier, décide de remettre à Schwartz. Et dans le cas de Sherardio, sera-t-il tenté de voler le deuxième but? Et si on se fie au match de cette série, les Miners ont été très agressifs sur les sentiers. Souvent, avec des coureurs aux extrémités, on a tenté le vol de but. Et justement, il est en course et LaFrenz s'en occupe même pas. Laisse passer le tir, deuxième balle. On doit donc oublier la balle à double jeu pour la défensive. Et si une balle est frappée au sol à l'avant-champ, on doit être patient pour regarder le coureur au troisième, l'empêcher de marquer et effectuer le retrait au premier but. Une et une. Voici une deuxième prise sur décision. Le match qui tarde à débuter du côté de Ottawa. Donc, on a probablement des cérémonies d'avant-match. Balle frappée faiblement à l'avant-champ et c'est capté par Brockett. Personne ne va bouger sur les buts. Une très, très faible claque là, vers le joueur de deuxième but par Nate Irving. Et John Brocker va s'amener. Et pour Brocker, c'est une première apparition au bâton dans cette série. Et le match vient tout juste de débuter à Ottawa. Gagné qui affronte dès le départ Larchin Fontaine. Et le tir prise sur élan. Et pour Brocker, 178 de moyenne, soit 13 coups sûrs en 73 apparitions au bâton. Il n'a aucune longue balle, 4 points produits et 2 buts sur balle. Le lancer rate à l'extérieur, première balle, une et une. Brocker qui obtient le départ au troisième but. Congé pour Jacobs, l'excellent frappeur de choix. Balle soulevée du côté gauche, dans le territoire, les fausses balles. Et au marbre, Mathéo saisit pour mettre fin à cette manche. On s'en sort sans dommage pour les Aigles, malgré deux coups sûrs pour l'adversaire et deux coureurs laissés en position de marquer. On se dirige en fin de deuxième avec une marque de 0 à 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez CFOU.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au trou du diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. Un deuxième au stade Stéréo Plus marque de 0 à 0. Et très bonne ambiance pour un lundi après-midi comme ça. J'étais sceptique avec les aigles éliminés. Les Mariners éliminés, un dernier match comme ça, un lundi, la fête du travail. Mais les gens qui choisissent le stade Stéréo Plus, et c'est très encourageant à voir comme ça. Ça lance un très bon message à l'organisation pour un dernier match comme ça. Cette thématique hommage aux partisans aujourd'hui. On remet beaucoup de cadeaux aux gens présents. Beaucoup de rabais à la boutique. On joue au bingo également aujourd'hui, comme à tous les lundis au stade cet été. Dans le cadre des lundis des aînés présentés par IGA Express du boulevard des Forges. Crane, Brown et Schwartz vont s'amener contre le partant Kulik qui a accordé aucun point et un coup sûr lors de la première manche. Le coup sûr appartient à Jiwon James. Crane laisse passer le tir. Deuxième prise sur décision. Et on devra avoir à l'œil le coin extérieur pour les frappeurs des deux équipes, puisque l'officiel Beaver qui appelle des prises sur ses tirs depuis le début du match. Et même chose lors du match de vendredi, c'était lui qui était derrière le marbre. Zéro à zéro à la marque. Rain, 2,83 de moyenne, 3 coups de circuit, 33 points produits. Élu la recrue de l'année chez les Aigles. Et son père, Steve Crane, qui lui a remis le trophée de la recrue de l'année. Steve est l'entraîneur au premier but pour un deuxième match de suite. Il était supposé prendre l'avion hier soir pour retourner à la maison. Mais lorsqu'on lui a appris que son fils allait être la recrue de l'année, eh bien, on lui a offert de remettre ce trophée à son garçon et d'être l'entraîneur au premier but pour un deuxième match de suite. Et toute une coïncidence hier en fin dixième. Qui, selon vous, a frappé le coup sûr? En fait, c'était le point produit de la victoire puisque c'était un ballon sacrifice. Bien, c'était Connor Crane. Et là, il est en course vers le premier. Et il est sauf! Le relais du joueur de troisième but, Brocker, n'est pas à temps. Toute une course du numéro 25 et va chercher un coup sûr à l'avant-champ avec aucun retrait. Et Steve Brown va s'amener. Brown, qui a réussi la longue balle avant hier. Hier, et sera-t-il capable de compléter avec un autre coup de circuit? Et chez les Aigles, au niveau des coups de circuit cette année, bien, on a une triple égalité. Matteo Herrera et Brown en ont 8 chacun. Est-ce qu'on sera capable de départager le roi des coups de circuit chez les Aigles cette année dans le match de cet après-midi? Voyons voir, mais Brown a commencé ça de brillante façon avec un simple au champ centre. Dès le premier tir, n'éternise pas le suspense, va chercher un simple devant le voltigeur Tomor. Crane avance au deuxième et Schwartz va s'amener au bâton. Tout à l'heure, il y avait erreur sur le site de la Ligue Canam. Donc, le match vient tout juste de débuter à Ottawa. Et Gagné qui affronte Roel Santos dès le départ. Et pour les Capitales, bien, Smith, de son prénom Mark, va être sur la butte. Lui revient dans l'alignement, la suite d'un séjour de 7 jours sur la liste des blessés. Le tir à Schwartz qui touche le coin extérieur, prise sur décision. Schwartz, 2,93 de moyenne. 17 points produits, aucune longue balle. Le tir qui touche de nouveau le coin extérieur, deuxième prise. Et je parlais des longues balles de Steve Brown il y a quelques secondes. Bien, hier, sa 8e longue balle de la saison 2016 était sa 50e en carrière avec les Aigles. Brown, qui est avec l'équipe depuis les tout débuts, soit 2013. Cible de nouveau au coin extérieur et le tire. Cette fois, ça rate première balle. Et si jamais Matteo réussit la longue balle ce soir, bien lui, il s'agira d'un 20e coup de circuit avec l'équipe. Le lancer. Et voici une troisième prise sur décision. Et Schwartz, qui encore une fois, sa façon de penser l'officiel, et un joueur comme ça, avec une ligue comme la Can-Am, avec peu d'officiels, si tu argumentes après chaque retour au bâton, bien l'officiel va prendre des notes. Et ça se peut que si la décision est serrée à un moment donné, bien, ne te donne pas l'avantage. Un arbitre aime rarement se faire challenger de la sorte. Et Schwartz est une troisième victime dans le match pour le partant Kurlik. Et c'est maintenant LeFrenz, le receveur au bâton. Pour LeFrenz, 2,46 de moyenne. Deux longues balles, 38 points produits. Et le tir. Touche le sol, c'est une première balle, une et une. Merchant attend son tour au cercle d'attente. Hier, Merchant a joué un 1300e match chez les pros. Une et une. Le tir. La balle qui roule derrière le membre. Deuxième prise au tableau. Et pour Éric Gagné, début de match parfait. Il a deux retraits au bâton. En retiré dans l'ordre Santos, Malo et Leonardton. Une et deux. Le tir. Ça roule derrière. On demeure avec un compte de 1 et 2. LeFrenz, 2,46 de moyenne. Les choses ont mal commencé pour lui. Il était à tout près de 200 de moyenne en début de saison. Et dans son cas, bien, c'est un net ralentissement au bâton, mais défensivement, encore connu une bonne saison. Il attaque la balle contre la ligne et va permettre à son équipe de prendre les devants puisque du deuxième, bien, Connor Quinn marque le point. Et du premier, on pousse dans nos membres. Et c'est un double et deux points produits pour la Friends. Et les Aigles qui s'inscrivent les premiers au pointage. Une balle à l'opposé. Contre la ligne du premier but. Et LeFrenz va chercher un autre double. Il les collectionne cette année, n'a peut-être pas une très bonne moyenne. Mais en termes de double, il s'agit de son 14e. Va chercher ses 39e et 40e points produits de la saison. Et si on fait le comparatif avec l'an dernier pour LeFrenz, bien, il avait terminé à 258 de moyenne, donc une légère baisse dans son cas. Jusqu'à maintenant, à 40 points produits comme l'an dernier. Au niveau des doubles, à une légère augmentation. Et si on fait le comparatif avec l'an dernier, eh bien, plus de doubles, le même nombre de points produits, moyenne inférieure, mais parfois un gérant, ça ne le dérange pas. Stanton est ce genre de gérant. Et la première chose qu'il m'a mentionnée, bien, un joueur avec une moyenne plus basse, il est capable de vivre avec ça. En autant qu'il est capable, comme LeFrenz vient de le faire, d'aller chercher un double avec deux coureurs sur les buts en début de match au champ opposé. Et ça, bien, il va être capable de vivre avec ça. Et LeFrenz, bien, une chance qu'il a connu une meilleure deuxième moitié de saison. Puisqu'en début de campagne, bien, la Forêt le défendait beaucoup et avec raison, puisque la Friends venait d'aller chercher un championnat. Mais cherchait ses repères et les a repris pour compléter le calendrier. Mais un joueur de statut LS5, l'an prochain, la Friends devra être aussi bon derrière le membre et peut-être un petit peu plus de constance là, au bâton. Une balle et deux prises pour Merchant. Le tir rate à l'intérieur, deuxième balle. Et Merchant a dû faire un pas de danse là, pour éviter se lancer. Quatre coups sûrs de chaque côté. Nous sommes enfin le deuxième. 2-0 les Aigles. Le tir. Et Merchant a-t-il été atteint? Non. On appelle plutôt une troisième balle. Compte complet pour le numéro 16 et 9e frappeur de l'alignement. Et pour Connor Crane et Steve Brown, bien, il s'agit respectivement en termes de points marqués de leur 43e point marqué pour Brown et pour Crane d'un 37e pendant que Merchant file au premier grâce à une passe gratuite. Une première accordée dans le match par le partant de Sussex. Et Jiwon James va s'amener pour une deuxième fois au bâton déjà dans le match. Il avait débuté tout à l'heure avec un simple, mais personne n'avait été capable de le pousser plus loin. Il avait réussi un vol de but. Il avait stoppé son séjour sur les buts au deuxième. Gaucher contre un droitier. Le tir. Trop haut, c'est une balle. On a appris que Clayton Kershaw va effectuer un retour au jeu avec les Dodgers. Ça va se passer vendredi. On pourra aider son équipe en fin de campagne. Et ça, avoir un joueur comme Kershaw en septembre, bien, c'est l'une des meilleures nouvelles que pouvaient avoir les Dodgers. Les Dodgers qui sont au premier rang de l'Ouest de la Nationale. 3 matchs devant San Francisco. Et 11 matchs devant Colorado. Une balle et une prise. Le tir trop bas. Deuxième balle. Les Dodgers qui ont toute une saison là, à la maison. 44 victoires, 27 défaites. Eux et les Cubs qui ont 51 et 20 sont les deux meilleures équipes devant leurs partisans. Le lancer. La balle qui échappe au receveur. En fait, elle touche à son équipement, tombe devant lui. Troisième balle et les coureurs ne bougent pas sur les buts. Un tempo plutôt lent dans ce début de match. On a joué une manche et une manche et demie d'environ en une heure. Hier, une partie de 4 heures, 7 minutes. James claque un très haut ballon du côté droit qui va saisir. On semble avoir perdu la balle dans le soleil et ça tombe au sol. Et on veut remettre au deuxième. Course de Merchant, mais n'est pas assez rapide. Il est retiré. Un retrait, donc on en a maintenant un total de 2 avec coureur aux extrémités pour les Aigles. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les Miners? Bien, la balle a été soulevée du côté droit à l'entrechamp dans le gazon, donc derrière le joueur de premier but, tout près de la ligne. Balle trop loin pour le voltigeur de droite. Le joueur de premier but a perdu cette balle dans le soleil alors qu'il était à reculons. Et le joueur de deuxième but s'est amené trop tard à la balle. Et Merchant, lui, bien, était demeuré au premier but, était convaincu que cette balle allait être attrapée. Et lorsqu'elle a tombé au sol, bien, il a tout tenté vers le deuxième but, mais n'a pas été assez rapide là, pour arriver avant le relais. Deux retraits, Brockett est au bâton. Première prise sur décision, donc on va placer un optionnel à l'affiche de Jiwon James. Et dans le cas de Brockett, a été retiré sur décision lors de la première manche. Et le tir claque la balle du côté gauche, mais ça va rouler hors ligne. Deux prises déjà contre le frappeur droitier. Je parlais de la nationale dans le baseball majeur, mais dans l'Est de l'Américaine, les Jays ont un match d'avance sur Boston et trois matchs sur Baltimore. Toute une fin de campagne à prévoir dans cette division. Et voici une troisième prise sur décision pour Brockett, une deuxième fois dans le match. Et pour les Aigles, bien, on marque deux points sur un total de trois coups sûrs, aucune erreur et deux coureurs ont été laissés sur les buts. On s'en va en troisième manche. Les Aigles mènent 2-0. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à CIFU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Dans le cadre du spectacle de la rentrée AGEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile, Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30$ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35$ à la porte. Le spectacle de la rentrée de AGE-UQTR, une présentation de CIFU 89.1 FM. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en troisième manche, les Aigles qui mènent 2-0 sur les Miners de Sussex. Et cette saison, les Aigles, lorsqu'ils marquent le premier point dans un match, fichent de 21 victoires, 18 défaites. Et nous sommes lundi. La fiche de l'équipe, une fiche gagnante le lundi de 4 victoires et 3 défaites. Et le dimanche, hier, c'était seulement une 4e victoire cette année, alors que l'équipe a subi 12 défaites. Alvarez va affronter le haut d'alignement Webb. Gerard Pluto et Austin vont s'amener. Premier tir, fausse balle derrière le membre. Pour Webb, a réussi un simple lors de son premier tour au bâton. Le tir rate à l'extérieur. C'est une première balle, une et une. Webb est un gaucher à seulement 213 de moyenne. Et le tir, balle soulevée à l'avant-champ qui va saisir. On communique présentement. Et la balle tombe au sol. Et on tente le coup jusqu'au deuxième. Le relais de Lessilaire sauf. Aïe, aïe, aïe, on a complètement manqué de communication du côté de la défensive des Aigles. La balle qui est tombée tout près de la butte. Schwartz et LeFrance, donc le joueur de premier but et le receveur, bien, se sont amenés à la balle et cette dernière a tombé entre les deux. Et Webb, bien, a connu toute une course, a eu le temps d'aller au deuxième. LeFrance effectue un relais, mais pas à temps. Un double sur un jeu comme ça, c'est très rare qu'on voit ça. Mais on va le prendre pour les Miners. On a un coureur en position de marquer, pas de retrait. Le tir d'Alvarez à l'intérieur. Première balle. Le un tir. Balle frappée en flèche du côté gauche et ça va rouler hors ligne. Oh, c'était prêt d'être un double assez facile là, pour Giraputo hein, qui devra retourner au bâton. Du côté de la 83e classique internationale de canot de la Mauricie, eh bien, hier, le duo Pellerin et Blais, soit Mathieu Pellerin et Guillaume Blais, qui ont pris une bonne avance là, sur leur plus proche poursuivant. Ils ont remporté la deuxième étape. Et les canots qui devraient arriver là, sous peu du côté de Trois-Rivières pour compléter cette classique. Et du côté du Rabaska, bien là, c'est du piano, a pris une sérieuse option pour une quatrième victoire en 5 ans. Eux aussi terminent à l'île Saint-Quentin aujourd'hui. 2 balles et 2 prises pour Nick Giraputo. Et le tir rate à l'extérieur. 3e balle, compte complet pour le 2e frappeur. Le tir d'Alvarez. Serait là, c'est une 3e prise. Serait là. Une 2e fois dans le match qui va chercher le retrait au bâton contre Giraputo. Et c'est un 3e retrait au bâton pour Alvarez dans le match. Premier retrait de cette manche. Et Jay Austin, le frappeur de choix, va s'amener. Austin, tout à l'heure, a réussi un simple contre Alvarez. Le tir serait là. Première prise. Et pour les Miners, bien Austin, frappeur de choix. Jacobs, le meilleur frappeur, lui, n'est pas utilisé. Balle frappée en hauteur au champ centre. Brown recule. Il est tout près de la rampe et saisit cette balle avec un saut pour le 2e retrait. Et après l'attraper, Webb du 2e file jusqu'au 3e. Un bon catch, bonne concentration de Brown. Et Alex DeBellis va tenter d'aller chercher un premier point pour les Miners avec son coéquipier au 3e but. Mais on a 2 retraits. À Ottawa, Éric Gagné qui demeure parfait dans le match. A déjà 4 retraits au bâton. A retiré Malo, Lennerton, Gracial et Connect sur 3 prises. Les 6 premiers frappeurs à s'amener contre lui. 4 retraits au bâton, les 2 autres. Mais Santos et Tissimbom ont été retirés par la défensive. 1 balle et aucune prise pour Deberlis. Voici une première prise sur décision. C'est le dernier match de la saison 2016 pour les Aigles. Le prochain rendez-vous sera seulement au mois de mai prochain. Balle frappée au sol et hors de portée de Brockett au 2e. C'est un simple et un 27e point produit cette saison pour Deberlis. Point marqué par Brandon Webb. Et c'est maintenant 2-1 les Aigles. Et d'ici le mois de mai prochain, bien, suivez le site web, la page Facebook de l'équipe. Il y a d'ailleurs les billets de saison qui sont en vente à rabais pour l'an prochain. 50$ de rabais si vous l'achetez avant le 30 septembre. La billetterie du stade Tiroplus qui demeura ouverte. Balle frappée contre le genou d'Alvarez. Cette balle va dévier du côté droit très loin. Et ça va permettre au coureur Deberlis de filer jusqu'au 3e but. Et c'est un simple pour le frappeur Tomor. Cette balle n'a pas fait bien Alvarez. Alex Leduc, le thérapeute, va s'amener sur le terrain. Une balle qui a fait un bond devant lui, touché son genou gauche et dévié au champ droit. Pour vous dire à quel point là, cette balle était frappée avec beaucoup d'aplomb. Un point produit pour Desbalestres tout à l'heure, un simple maintenant pour Tomor. On a courant aux extrémités avec deux retraits. Alvarez sera-t-il capable de poursuivre? On va lui donner quelques lancers là, pour se réchauffer, du moins pour savoir s'il est capable de poursuivre le match. Et c'est certain qu'il n'est pas dans une situation optimale présentement. Et Ottawa, bien, les champions menacent avec les coureurs sur tous les buts avec un seul retrait. Et Daniel Bickelbottom. Est-ce que Gagné va être capable de tenir le coup aussi longtemps? J'ai bien hâte de voir. Quatre manches et un tir l'an dernier avec les Aigles, je vous le rappelle. Et à très peu de lancers à son actif en deux manches. Le coin est en course au deuxième. Le relais de la Friends. Et cette balle qui va toucher au coureur et dévier au champ gauche. Et ça permet aux joueurs d'aller au troisième et voire même d'aller jusqu'au marbre. Nonchalance du voltigeur de gauche des Aigles, Jiwon James. Et du premier but, croyez-le ou non, bien le joueur Tomor va marquer le point. 3-2 Sussex. Sur la même séquence, on marque deux points. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, relais de la Friends au deuxième but, ce qui permet au joueur au troisième de marquer. Et la balle qui touche le but, le joueur ou le joueur en défensive, je l'ignore, mais balle qui dévie dans la gauche, et Jiwon James a été très lent à les saisir. Et le coureur, bien, s'est relevé, est allé au troisième et a attaqué le marbre, et même pas de relais. Aucune balle et deux prises pour Taylor. Le tir à l'extérieur, c'est une première balle. On place une erreur au tableau. Elle va à l'affiche de la Friends. Et la balle est frappée en hauteur au champ centre-gauche. Brown qui se déplace et saisit la balle pour le troisième retrait. Dans cette demi-manche pour Sussex, on a marqué trois points sur quatre coups sûrs, une erreur et aucun coureur n'a été laissé sur les sentiers. On s'en va en fin de troisième. Sussex mène par un. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Dans le cadre du spectacle de la rentrée à GEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile, Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30$ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35$ à la porte. Le spectacle de la rentrée de AGE UQTR, une présentation de C'est fou 89.1 FM. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Champlour, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité les mardis à 20h sur les ondes de C'est fou 89.1. Bienvenue à bord. En ondes, les soirs sans diffusion officielle du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de troisième manche, les Miners qui mènent 3-2 sur les Aigles. Herrera, Matteo et Crane vont s'amener contre le partant Kolek. Et dans son cas, lancé seulement 46 manches avant le match cette saison. Fait du travail honnête présentement sur la butte à 3 retraits au bâton à sa fiche. Et justement, Herrera a été l'une des victimes. Ça se passait en première manche. Regarde passer le tir, première balle, une et une. Et le tir retient son élan. Et on appelle une prise sur décision. On dit qu'il a dépassé le marbre. Et pour Javier Herrera, dans les derniers matchs, moyenne à 250 lors des 6 derniers matchs. Retiré sur 3 prises encore une fois. Les collectionne les rétro bâtons Herrera depuis les 2 dernières semaines. Et Matteo va s'amener. Matteo retrait 5-3 tout à l'heure. Matteo qui va frapper comme frappeur droitier contre le lanceur gauche. Matteo, un frappeur ambidex. Premier tir et frappe sa balle au champ centre et c'est capté par Tomor pour le deuxième retrait. Un très bon contact. Tomor a saisi cette balle à quelques centimètres du sol. Et Connor Crane va se présenter avec 2 retraits déjà au tableau. Crane a marqué le premier point des Aigles dans le match. Avait atteint les sentiers grâce à un simple. Et le tir. Prise sur décision. Crane, 33 points produits. Et pour une recrue qui a disputé, non pas une saison complète, mais presque, Crane, c'est un 71e match cette saison. Et avec tous les départs et les changements qu'on a effectués dans cette saison de misère, que Crane claque une balle vers le joueur derrière court qui échappe la balle. Va la reprendre main nue, mais ne remettra pas la balle au premier. Coup sûr à l'avant-champ ou erreur. Ce sera à la marqueuse de décider. Mais la balle a été frappée. Un bon contact. Elle a fait un court bond devant le joueur derrière court qui, lui, bon, a dû négocier avec tout ça, a bloqué la balle. Et par la suite, elle a tombé au sol devant lui. Elle a roulé un petit peu plus loin dans le gazon devant. Ce qui a permis à Crane d'aller jusqu'au premier. En deuxième coup sûr, on le confirme pour lui. Un simple. Et Brown va s'amener. Et si on regarde les matchs joués, Matteo dispute un 99e match ce soir. Donc, aura raté seulement un match. Et le match qu'il a raté, bien, disons que c'était pour une bonne cause. Puisque ça se passait un match en matinée au New Jersey au mois d'août. Matteo, qui était allé se marier à New York, était revenu par la suite pour compléter la saison. Donc, c'est le seul match qu'il a manqué. Et en termes de match joué, bien, Ruiz en a 80, LaFrance 86, 77 pour Brown, et après ça, c'est Connor Crane. Crane qui est arrivé avec l'équipe à la mi-juin, même à la fin juin. Et plusieurs joueurs ont fait que passer avec l'équipe. On pourra vous en parler pendant le reportage pour vous, soit vous faire rigoler, puisque lorsqu'on nomme certains joueurs qui ont fait que passer, bien, ça explique bien des choses dans une saison où on joue sous la barre de 500. Rappelez-vous de Joel Carranza, David Emberson, Bobby Coyle, Jalen Harris, tous des joueurs qui ont une moyenne au bâton sous 210. Une balle et une prise à Brown. On a 2 retraits. Le tir. Rate le coin extérieur. Deuxième balle. Brown a réussi un simple tout à l'heure et a marqué le deuxième point. J. Schwartz est au cercle d'attente. On encourage le numéro 19 et c'est une deuxième prise sur élan. Est-ce que Brown dispute ce soir, plutôt cet après-midi, un dernier match avec les Aigles? Bien, si on n'a pas la réponse, Brown sera-t-il tenté d'aller dans une ligue de vétérans, celle de l'Atlantique, l'an prochain, avec peut-être un meilleur salaire? Est-ce que Stanton voit Brown parmi ses quatre vétérans l'an prochain? C'est des choix qu'il aura à faire pendant la saison morte. Le tir qui rate à l'extérieur, troisième balle, compte complet pour Brown. Kulik prend bien son temps, accepte le deuxième signal du receveur et va remettre au premier but. Trois et deux, toujours à Brown. Crane qui prend un peu moins d'écart au premier. Le tir. Et c'est une troisième prise et la balle échappe au receveur, ce qui permet à Brown, malgré le rétro bâton, d'atteindre les sentiers. Et l'élan de Brown, qui n'a pas touché la balle, a compliqué le travail de... Une balle qui a donné contre sa jambière gauche et dévié très loin contre le muret là derrière. Et Schwartz qui va s'amener avec deux retraits, deux coureurs sur les buts. Est-ce que les Aigles vont être capables de marquer les points après deux retraits? Tout ça a commencé avec Connor Crane. Et dans le cas de Schwartz, tout à l'heure, retrait sur décision. Le premier tir prise sur décision. Éric Gagné qui a accordé un coup sûr. Plutôt. Éric Gagné qui n'a toujours pas accordé de coup sûr dans le match du côté de Ottawa. Ça va très bien pour lui. Quatre trop bâtons, aucun but sur balle. Tout ça en trois manches de travail. Le tir bas et l'extérieur, c'est une première balle, une et deux. 1 à 0, Ottawa, fin de troisième. Une balle et deux prises à Mike Schwartz. Le tir. Troisième prise serait là. Un deuxième retrait au bâton dans le match pour Schwartz. Et dans cette manche pour les Aigles, pas de points. Deux coups sûrs, aucune erreur et deux courants ont été laissés sur les buts. Après trois manches, Sussex mène 3 à 2. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Vendredi 9 septembre, 21h30. Votre café-bar Le Zénob vous invite au spectacle irrévérencieux de la formation montréalaise Robert Fusil et les Chiens Fous. Pour une soirée de folk poubelle festive, soyez avec nous au Zénob ce samedi 9 septembre pour Robert Fusil et les Chiens Fous. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Que les gens sont méchants, qu'ils s'offrent au plus offrant et au... Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Sur les ondes de CFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. ceci en quatrième. Sussex mène 3-2 à Alvarez, qui est tout à l'heure a reçu une balle contre le genou, bien de retour dans le match. Il va endurer la douleur pour terminer la partie. Et Trevino sera suivi de Irving et de Brocker. Donc les frappeurs 7, 8 et 9 vont s'amener dans la manche. Et pour Trevino, tout à l'heure, a réussi un simple. Alvarez, jusqu'à maintenant, fait du bon travail. Va chercher une prise dès le départ. Et pour Alvarez, jusqu'à maintenant, 3 retraits au bâton, aucun but sur balle. Il a accordé 7 coups sûrs. Et a fait preuve de malchance là, également dans la partie. Une et une. Et le tir. Balle frappée mollement du côté gauche. Ça roule hors ligne. Deuxième prise. Turaglio, 24 coups sûrs en 130 apparitions au bâton. Droitier contre gaucher. Et le tir. Balle frappée au chassant. Longue course de Brown, mais cette balle va tomber devant lui. Un deuxième coup sûr dans le match pour le numéro 2. Ce qui va permettre à Nate Irving de s'amener avec un coureur sur les buts, pas de retrait. Irving, tout à l'heure, avait frappé une flèche vers Brockett au deuxième, alors qu'on avait déjà deux coureurs sur les buts. Et pour Irving, 183 de moyenne avant le match. Et pour lui, je vous dirais que lors de ses 6 derniers matchs, au bâton, ça ne va pas très bien. 0.059 de moyenne, un seul coup sûr, donc en 17 apparitions au bâton. Avec aucun point produit. Le coureur est en course et on tentait le coureur frappe. Trevino qui devra retourner au premier but, première prise au tableau du même coup. En fait, Irving, Piles, Webb et Brocker ont des derniers matchs le plus difficiles sous la barre des 200. Même chose pour Giraputo, qui lui, lors des 10 derniers matchs, frappe pour 194. Le coureur est en course, le relais de la Friends, et on touche au coureur pour le retrait! Et Merchant, qui n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, l'arrêt court, a figé complètement. Il a dû saisir cette balle alors qu'il était en mouvement et toucher au coureur en même temps. C'était beau à voir, mais ce n'est pas ce qu'on apprend aux plus jeunes. Tu dois être au coussin, attendre le relais. Et Merchant qui n'a pas connu un gros départ. Trevino a surpris un petit peu tout le monde sur les sentiers. Mais la Friends, lui, veillait au grain. On a deux prises, un retrait pour Nate Irving qui demande le temps d'arrêt. Le tir d'Alvarez est troisième prise sur elle. Et la Friends va remettre la balle au premier but puisque c'était une troisième prise, balle échappée. Et on confirme le deuxième retrait. John Brocker se présente au marbre. C'est le centième match ce soir, plutôt cet après-midi de la saison, un numéro 54 à la maison. Au départ, on était disposé d'en jouer 53 à domicile pour les Aigles. Mais on a repris un match qu'on devait jouer à Rockland, à Trois-Rivières, puisque l'équipe ne retournait pas au domicile des Boulders. Le dernier match là-bas avait été annulé à cause de la pluie. Donc 54 matchs disputés à Trois-Rivières en très peu de temps, puisque la saison a commencé aux alentours du 20 mai. On est le 5 septembre et c'est terminé. Seulement 5 journées de congé cet été pour les Aigles. Et le baseball, bien, n'est pas le sport le plus endurant physiquement, ou du moins intense, comme par exemple le basket ou le hockey, mais tu as très peu de répit. Tu joues à chaque jour et mentalement, le baseball est un sport très difficile. Une balle et une prise. Fausse balle du côté gauche, deuxième prise. Et lorsque tu connais des séquences de défaites comme l'équipe en début de campagne, et c'est là l'importance d'avoir de bons joueurs, oui, en termes de moyenne, et ainsi de suite. Mais si tu as des bons joueurs entre les deux oreilles, ils sont capables de faire changer le vent de côté par leur leadership, mais c'est là que ça peut faire une différence pendant qu'on claque la balle vers Alvarez qui touche au coureur pour le troisième retrait. Mission accomplie pour le lanceur. Retire dans l'ordre les trois frappeurs. Mais accordé un coup sûr, mais on l'a retiré par la suite en tentative de vol. Donc, on s'en va en quatrième. Ce sexe mène par un. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de CFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de quatrième manche à Trois-Rivières. 3-2. Ce sexe, toujours Ryan Kulick, le gaucher, sur la butte pour les Miners. Et pour les Aigles, bien LeFrenz, Merton et James vont s'amener au bâton. Encore LeFrenz, tout à l'heure, a réussi deux points produits. 39e et 40e de la campagne grâce à son double, a marqué le point par la suite. Et le bon travail d'Éric Gagné à Ottawa se poursuit en trois manches et deux tiers. Il a accordé aucun coup sûr, aucun but sur balle et retiré cinq frappeurs sur trois prises. Les champions mènent 1-0. Le lancer, prise sur décision. L'an dernier, Gagné avait lancé quatre manches et un tiers. Et a eu mal au coude pendant environ un mois. J'ai hâte de voir si Gagné, son corps va mieux. Et on lui souhaite, et qui sait, malgré son âge, mais sera-t-il tenté vers un retour pour peut-être dans une ligue au Japon ou encore faire partie d'une équipe de la Ligue Can-Am l'an prochain, puisque Gagné a gagné le Cy Young. Ne vise peut-être pas le baseball majeur, mais c'est certain que pour un joueur passionné comme lui, c'est difficile d'arrêter là, du jour au lendemain. Éric qui donne des leçons chez lui pendant que LeFrenz claque une balle du côté gauche et cette balle va percer l'avant-champ au sol et ça roule jusqu'au voltigeur de centre. Un simple, un deuxième coup sûr pour LeFrenz dans le match. Alexandre Gravel, lui, va passer l'hiver chez Éric Gagné. Ça fait 2 ans qu'il fait ça. On a un terrain de baseball privé là-bas avec appartement pour les joueurs qui se rendent chez lui. Et c'est certain que la passion est encore là par l'enseignement, mais un compétiteur veut toujours jouer si le corps le permet. Et gagner de ce qui nous montre aujourd'hui, si le corps peut à être correct après le match, pendant que Merchant claque la balle du côté droit au sol et ça permet à LeFrenz d'avancer au deuxième. Un simple, un premier dans ce match pour Merchant à la suite d'un but sur balle tout à l'heure. On n'a aucun retrait au tableau. Mais est-ce que Gagné serait prêt à passer une saison complète avec une équipe de la CANAM, avec tous les voyagements que ça implique en autobus. Mais il l'a fait avec Québec pendant un petit bout. Il a fait partie de l'équipe championne avec les Capitales. Et on en entend encore parler pour les gens qui ont lu son livre également. Éric Gagné parle de son séjour à Québec. Il avait très apprécié. Et il avait également gâté ses coéquipiers. On lisait, je me souviens plus si c'était dans le livre ou encore une histoire que quelqu'un m'a racontée. Mais dans la CANAM, bien le souper après match, c'est souvent peut-être des pâtes ou un bon poulet avec des frites. Mais lorsque l'équipe gagnait ou que Gagné voulait faire plaisir à ses coéquipiers, bien tous les joueurs arrivaient dans la chambre après le match avec un bon filet mignon à leur siège. C'est certain qu'ils pouvaient s'en permettre. Prenait l'avion également quelquefois. Donc, vivait non pas le même rythme de vie qu'un autre joueur de la Ligue CANAM, mais participait au succès de l'équipe. Aucunement les deux prises pour Jawan James. On n'a aucun retrait. Fin de quatrième, 3-2 Sussex. Lancé de Kulik. Autre fausse balle du côté gauche. Jawan James, simple et but volé en première manche. Optionnel lors de la deuxième et le revoici au bâton en quatrième. Gaucher contre droitier. Il le tire. Et la balle est frappée du côté gauche. On touche au troisième pour un. On remet au deuxième et au premier. Attends! Triple jeu pour les Miners! Wow! Il est très rare qu'on assiste à ce type de jeu dans une partie de baseball. Mais le triple jeu est complété pour les Miners. 5, 4 et 3. La balle qui a été frappée là, directement vers le troisième but. La cueillie se roulant, touchait à son but et tourner la balle à double jeu par la suite. Donc pour les Aigles dans cette manche, pas de points, deux coups sûrs par erreur et personne n'a été laissé sur les buts. On s'en va en cinquième avec les Miners en avant par un. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio C'est fou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous revoici en cinquième manche au stade Stéréo Plus. Et depuis que je décris les matchs des Aigles, soit depuis la saison 2014, donc je termine une troisième saison, je décris environ une soixantaine de matchs par année. Et c'est la première fois que je décris un triple jeu. Les Aigles ont passé très près cette année d'en faire un identique, mais le coureur avait été déclaré sauf au premier but. Premier tir d'Alvarez à Brandon Webb, prise sur élan. Je vais tenter de trouver l'information là, au niveau de la Ligue CANAM en termes de triple, est-ce que c'est des jeux qui arrivent souvent? Mais je vous confirme que non. On va voir si on a une statistique à ce sujet. Le tir haut et l'extérieur, première balle, 1 et 2 pour Brandon Webb. Webb dans le match, il est parfait, il attaque une balle du côté droit, la balle elle est très loin et elle est partie! Circuit en solo de Brandon Webb, un 10e pour lui cette saison. Et les Miners qui prennent les devants, 4 à 2. Oh que cette balle elle était loin, il n'y avait aucun doute dans la droite, dans son champ. Et Nick Giaputo va s'amener. Nous sommes donc en début de cinquième, 4 à 2 à Sussex. Et contrairement à Webb, Giaputo, deux retraits au bâton sur élan dans le match. Le lancer rate à l'intérieur, première balle, 1 et 2. Balle frappée du côté gauche. Matteo qui attaque la balle. En mouvement, ramène au premier. Attends pour le premier retrait. Retrait qui s'ajoute sur la feuille de pointage. 5 et 3. Et Jay Austin va se présenter au marbre avec une journée de 2 en 2. Simple en première, simple lors de la troisième manche, avec un point produit. Neuf coups sûrs pour Sussex, 7 pour les Aigles. Une série axée sur l'offensive, là, disons-le, surtout pour les Aigles, avec 7 coups sûrs aujourd'hui. On a réussi 16 hier, 21 dans le deuxième match, un peu plus tranquille lors du match de vendredi. Balle soulevée dans la gauche, donc au champ opposé. Et Jawan James facilement capte pour le deuxième retrait. Avec deux retraits, Alex DeBerlus va tenter de commencer, en fait, de poursuivre une attaque, puisque tout à l'heure, Webb a claqué la longue balle. Les deux frappeurs suivants ont été retirés. Et DeBerlus, bien, aujourd'hui, 1-2, un point produit. Il a été impliqué dans une balle à double jeu en première manche. Et le premier tir d'Alvarez prise sur décision. Le tir. Balle frappée du côté gauche et Merchant plonge vers le troisième but. Elle ne peut bloquer la balle, la effleurer. Ça roule jusqu'à Juwan James. Un simple, un deuxième de suite pour DeBerlus. Et Tobor à 1-2 dans le match va s'amener. Un baseball majeur aujourd'hui. Les Jays sont au Yankee Stadium et tirent de l'arrière 5 à 1. On est en sixième. On aura droit à beaucoup de matchs à interdivision d'ici la fin de la campagne. Ils seront tous importants. Et pour les Jays aujourd'hui, bien c'est RDK sur la butte en 4 manches. Il a accordé 5 points, 7 coups sûrs, 1 but sur balle et effectué 5 retraits au bâton. Accordé une longue balle. Et le releveur Liriano est maintenant au mondicule depuis une manche. À l'offensive pour Toronto, Encarnacion 2 en 3 et Upton Junior 2 en 2 sont les meilleurs. Et pour New York, Ellsbury 3 en 3 avec 3 points produits, 1 en 3 pour Garner, 1 en 2 pour Castro. Bien, eux sont les meilleurs à l'offensive. Et Austin aussi, le joueur de premier but, 2 en 2, 2 points produits. Une balle et aucune prise pour Tromor. Claque une balle au champ centre. Ça tombe devant Brown. Un coup sûr pour le numéro 13. Un dixième. En fait, un onzième dans ce match pour Sussex. Deux simples de suite. Débalis est donc au deuxième but et Taylor, un en deux, va avoir une chance de produire un point avec un courant en position de marquer. Pas de danse. En reculons, évite le tir d'Alvarez. ...57 prises, 24 balles jusqu'à maintenant pour le partant droitier des Aigles. Le tir rate à l'extérieur, deuxième balle. Frappe un très haut ballon dans le territoire des fausses balles. Schwartz s'amène tout près de la rampe. Mais la balle qui va terminer sa course dans la troisième rangée. Ça touche la tige métallique et ça revient sur le terrain. Deux balles et une prise. Deux retraits pour Dominic Taylor. Éric Gagné vient d'accorder le premier coup sûr et un point dans le match du côté de Ottawa. En quatre manches et un tiers, six retraits au bâton. Fausse balle sur le toit du stade. Deux prises, en fait, le point qu'il a accordé. C'est un circuit en solo à Jurès Bell-Gracial. Dans le cas de Gracial, bonne fin de saison pour lui. Moyenne au bâton à 318. A produit 55 points. L'offrande qui rate à l'extérieur. Troisième balle, le compte complet. On s'en va au coin extérieur. Et le tir au ballon. Dans la gauche, le joueur de troisième but, Matteo, se déplace et capte la balle dans le territoire des balles fausses pour mettre un terme à cette manche. Et Marlins qui ajoute un point grâce au dixième coup de circuit de Brandon Webb, un circuit en solo. Trois coups sûrs, aucune erreur et deux courants ont été laissés sur les sentiers. Direction fin de cinquième, Sussex mène par deux. En vous rappelant qu'en direct du stade de Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. On rappelle après ce match spécial des Aigles de Trois-Rivières. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. fin de cinquième manche. Rocket, Herrera et Matteo vont s'amener au bâton contre le partant Kourlek. 11 coups sûr pour Sussex, 7 pour les Aigles, 4 à 2 la marque pour les visiteurs qui tentent d'égaler cette série. Pour les Aigles, on tente de terminer la campagne avec une troisième victoire de suite. Les Aigles ne pourront égaler la marque de la saison 2014. En fait, c'est assuré que ce sera la pire saison de l'organisation, puisque avec une victoire aujourd'hui, on se retrouve avec 36 victoires. Et j'ai revérifié dans le livre des records des Aigles, 37 victoires pour l'équipe en 2014. Donc, on ne pourra pas rattraper l'ancienne pire saison. Rocket qui touche à la balle. Première prise. Fin d'amorti. La balle qui touche son bâton et termine dans le gant du receveur. Rocket aujourd'hui, retrait au bâton deux fois sur décision. Deux balles et une prise. Une tire. Balle frappée du côté gauche. Beau plongeon de Brocky au troisième. Se relève et ramène au premier. Attends pour le retrait. Un beau jeu du joueur de troisième but. Un plongeon sur sa gauche. Donc vers le deuxième. Bloque la balle. Se relève. Et envoie Brocky au banc de son équipe. On commence à préparer la relève dans l'enclos chez les Aigles. C'est un lanceur gaucher qui prend des tirs présentement. Je crois que c'est Mac Hacker. Herrera, premier tir sur élan. Pour Herrera, bien, à l'image de Brocket avant son apparition au bâton, deux fois il a été retiré. Mais lui, les deux fois sur élan. Voici deuxième prise sur décision. Est-ce qu'on va donner la balle à Hacker pour la sixième ou encore on va demander à Alvarez de s'amener dans le match? Le tir rate à l'extérieur. Première balle, une et deux. Sur élan, troisième prise. Troisième fois dans ce match. Herrera fend l'air et Matteo va s'amener avec deux retraits et personne sur les buts. Ailleurs dans la Caname, présentement, Rocklin mène 2 à 1 sur New Jersey. On est en troisième là-bas et à Ottawa, 1 à 1 la marque en fin de cinquième. Mise à jour de la performance d'Éric Gagnon, 5 manches. Il a accordé 2 coups sur 1 point. Aucun but sur balle et réussi 6 retraits au bâton. Aucune balle et une prise à Matteo. Le tir. Fausse balle contre le filet protecteur. Deuxième prise. Matteo 0 en 2 cet après-midi. Roulant vers le joueur de troisième but et flèche vers le champ centre. Balle tirée du côté gauche. Beau jeu encore une fois de Buckler au troisième et Romain au premier. Attend pour le troisième retrait. Solide le joueur de troisième but des Miners. Et c'est une demi-manche parfaite pour les Miners. On s'en va en sixième. Les visiteurs mènent 4 à 2. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voiture routière, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. De retour au stade Stéréo Plus, on est en sixième. Le match a commencé il y a 2 heures et pendant bien ces 2 premières heures, les Miners en ont profité pour prendre les devants 4-2 sur les Aigles. Et on a un nouveau lanceur sur la butte pour Trois-Rivières. C'est Mac Hacker. Donc, il a pris ses tirs tout à l'heure, Alvarez. Match terminé. Dans le cas de Mac Hacker, n'a pas de très gros chiffres avec les Aigles. Moyenne de points mérités à 81. A lancé 2/3 de manche. En fait, il y a erreur là sur le site de la Ligue Canadienne puisqu'on a 2 Mac Hacker dans l'alignement des Aigles. Et si on cumule là, ces chiffres, bien Hacker a lancé 3 manches et 1/3 jusqu'à maintenant. Ronflante moyenne de points mérités à 23,62. Donc ça, c'est mieux que 81, mais c'est loin d'être bon au baseball. Mais Hacker, on va être davantage servi si on utilise ses chiffres avec les capitales de Québec. Et dans le cas de Hacker, a lancé 77 manches et 2/3 cette année à Québec. Fiche de 5 victoires, 6 défaites. Moyenne de points mérités à 5,21. Lorsque les capitales l'ont libéré, et Stanton le connaît très bien, par contre, là, qu'une balle vers Schwartz au premier qui remet à Hacker, ne peut saisir ce relais. Et le courant est sauf. La balle qui roule devant l'abri des Aigles. Et manque de cohésion entre le joueur de premier but et le lanceur. Le relais est très derrière lui. Et pour Hacker, bien à Québec, 45 retraits au bâton, 35 buts sur balle. Lorsqu'il a été libéré, Stanton étant l'ancien entraîneur des lanceurs des capitales. Bien, l'amener ici, pourquoi? Non pas parce qu'on pense que Hacker peut devenir le prochain releveur étoile de l'équipe. Mais bien, Stanton jugeait qu'il était meilleur que les releveurs des Aigles que La Forêt avait amené avec l'équipe. Donc, on lui donne une chance en fin de campagne. Mais d'après moi, là, Hacker ne fait que passer. Le tir rate à l'extérieur. Première balle. Nate Irving est au bâton. Irving est dans le match. 0-2. Et le tir haut et à l'extérieur. Deuxième balle. L'assistance au match de cet après-midi, 1711 spectateurs. De loin, la meilleure foule dans cette série. Le tir trop haut. Troisième balle de suite pour Irving face à Mac Hacker. Le tir qui touche la zone des prises. Une première. C'est donc dire qu'en 2016, les Aigles auront accueilli 81 730 partisans. Ce qui est très bon pour une saison parsemée. En fait, davantage de défaites que de victoires. Pendant qu'on claque une balle au champ centre, on tente d'épingler le courant au troisième. Ça ne marche pas. Un simple de Nate Irving, le joueur d'arrêt-court, Merchant, a tout tenté pour bloquer la balle. Derrière le deuxième but, n'a pas été capable. Donc, le coureur au premier, bien, s'en va au troisième, et c'est un simple pour le receveur. Donc, Chirinho est au troisième, à la suite d'une erreur des Aigles, donc pas de coup sûr pour lui. Il est 2-2. Irving est au premier grâce à son simple et John Bucker, celui qui joue un excellent match au troisième but, est au bâton. Il est toutefois 0-2 contre Alvarez. Sera-t-il meilleur contre Mac Hacker? Voyons voir. 4 à 2, Sussex. Ils ont la chance d'en ajouter dans cette sixième avec aucun retrait au tableau. Le premier tir prise sur décision. Le lancer. Coureur en course et la balle est frappée vers le joueur de deuxième but qui touche à son coussin et ramène au premier. Attends pour le double jeu. Retrait, en fait, mon erreur, j'ai dit deuxième but, mais bel et bien le joueur Dareko Merchant qui a saisi cette balle tout juste devant le deuxième but. A fait très vite pour mettre son pied sur le coussin puisque le coureur était déjà en course et a complété au premier. Donc, double jeu qui s'inscrit 6-6 et 3. Mais sur la séquence, Chiraglio marque un point. 5 à 2, les Miners. Et Barker devra attendre pour son premier coup sûr du match. Hacker contre Webb. Premier tir, fausse balle du côté gauche. Je vous rappelle que les séries dans la CANAM vont commencer mercredi à Québec et à Ottawa. Les Capitals vont affronter les Boulders au premier tour et les Jackals, eux, vont se frotter aux champions. Mercredi et jeudi à Québec et Ottawa. Une balle et une prise pour Webb. Le tir haut et à l'intérieur, deuxième balle. Vu que c'est le dernier match de la saison des Aigles cet après-midi, mais on peut se remémorer quelques souvenirs. Hein, qu'on claque la balle en flash vers Schwartz, c'est au premier qui capte pour le troisième retrait. Donc on pourra faire ça après la pause. Et dans cette manche pour les Miners, on a marqué un point. Sur un total d'un seul coup sûr, une erreur et personne n'a été laissé sur les buts. On s'en va en fin de sixième, ce sac se mène par trois points. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie de Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5$. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Un sixième au stade Stéréo Plus. Ryan Kulick va débuter une sixième manche sur la butte pour les Miners. On verra Connor Crane, Steve Brown, ainsi que Mark Schwartz au bâton. Et pour Connor Crane, dans le match, il est parfait. Simple et point marqué en deuxième et simple en troisième manche. La recrue de l'année chez les Aigles, on l'a confirmé avant le match, sera-t-il capable de poursuivre son match parfait? Il se place dans le rectangle des frappeurs droitiers. Pas de releveur dans l'enclos encore pour ce sexe. Et le premier tir prise sur décision. 59 prises, 23 balles. Ça, c'est le compte de Kulik dans le match. Une et une pour Connor Crane. Et le tir. Bas et à l'intérieur, c'est une deuxième balle. Avant la pause, je parlais de souvenirs dans cette saison 2016. Mais malgré une fiche décevante, on se souvient de plusieurs beaux souvenirs quand même pendant qu'on claque la balle dans la gauche, captée par le voltigeur Taylor pour le premier retrait. Cette année, il ne faut pas oublier de nouvelles majeures dans l'histoire, dans la jeune histoire des Aigles. Stéréo Plus s'est porté acquéreur du nom du stade. Les chiffres qui ont été dévoilés lors de la signature de l'entente, puisqu'on a annoncé ça là, à la fin du mois de juin. Et c'est des dollars qui vont grandement aider l'organisation des Aigles à grossir leur personnel, à donner une meilleure expérience client aux amateurs, ce qu'on a vu là, dès la fin de la saison. Sans dire que c'était moyen avant, au contraire, on fait seulement augmenter selon les moyens qu'on a. Donc, Stéréo Plus pour les. C'est un entente de 3 ans et demi, donc pour les 3 prochaines saisons, aura son nom sur l'édifice où les Aigles jouent leurs matchs locaux. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour la concession. Autre bonne nouvelle cette année, bien le match des écoles du 3 juin dernier. Plus de 3500 écoliers primaires ont assisté à un match de baseball entre les Jackals et les Aigles. Ce fut un matin très bruyant au stade et c'est déjà confirmé qu'on va refaire ce match l'an prochain. Il reste à déterminer la date puisque le calendrier de la Ligue sort seulement au mois de décembre. Donc ça, c'est deux choses, deux nouveautés cette année qui n'ont pas passé sous silence. Et Brent Flackenball au champ centre, ça tombe en lieu sûr devant le voltigeur Tomor. Avec un retrait, les Aigles placent un coureur sur les buts. Et Schwartz, avec deux retraits au bâton aujourd'hui, voudra changer de vent de côté. Il se place comme frappeur gaucher. Dans les événements marquants de cette année, bien c'est certain qu'on doit parler du congédiement de Pierre-Luc Laforêt, qui n'a pas fait l'unanimité cette année, mais c'est une décision que l'organisation a prise. Un contre-lac la balle vers le joueur Draco qui touche au coussin pour un. Et on remet au premier pour le double jeu qui s'inscrit 6-6 et 3. Et pour les Aigles dans cette manche, pas de points. Un coup sûr, pas d'erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après 6 manches complétées, bien Sussex mène par 3. En vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Champlour, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Vendredi 9 septembre, 21h30. Votre café-bar Le Zénob vous invite au spectacle irrévérencieux de la formation montréalaise Robert Fusy et les Chiens Fous. Pour une soirée de folk poubelle festive, soyez avec nous au Zénob ce samedi 9 septembre pour Robert Fusy et les Chiens Fous. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Que les gens sont méchants, qu'ils s'offrent au plus offrant et au... Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de septième, Sussex mène par 3 points avec 12 coups sûrs contre 8. Et Mac Hacker va débuter une deuxième manche de suite sur la butte pour les Aigles. Et dans le cas d'Alvarez, le partant, bien en 5 manches, il a accordé 11 coups sûrs, 4 points. Aucun but sur balle et effectué 4 retraits au bâton. Et Hacker, en sixième, il a accordé un coup sûr, un point. Aucun but sur balle et aucun retrait au bâton. Et Derek Piles va prendre la place de Nick Giraputo dans ce match. Piles qu'on a vu à 2 reprises dans cette série. 328 de moyenne cette saison. Avec 7 points produits, aucune longue balle. Et c'est certain que... avec un dernier match comme ça cette année, les gérants vont vouloir donner au moins une apparition au bâton à tout le monde. Donc ça veut dire que la marqueuse va avoir beaucoup de travail à faire et que tout le monde va avoir une chance de frapper puisque, par exemple, je suis convaincu qu'on va voir Jacobs un petit peu plus tard dans le match, peut-être à la place de Jay Austin comme frappeur de choix. Balle frappée du côté gauche, ça roule hors ligne, deuxième prise au tableau. Chez les Aigles, eh bien, on va peut-être donner une apparition au bâton à Lavallée et Ruiz. Les deux joueurs au banc aujourd'hui, Gravel ne peut pas jouer puisqu'il a été libéré hier pour jouer dans la finale de la Ligue de baseball Junior Élite du Québec. Gravel qui appartient au Royal de Repentigny. Une et deux. Balle poussée dans la droite. Long course du voltigeur Connor Crane et saisit la balle tout près de la ligne de démarcation pour le premier retrait. Beau catch de la recrue de l'année. Pour Simon Gravel, on m'a déjà mentionné que les Aigles juniors ont tenté d'aller chercher ses services à Repentigny pour qu'il puisse jouer des matchs avec les Aigles juniors. Et dans son cas, bien... on va savoir qu'il joue peut-être un match sur 5, mais a peu de chances de s'améliorer. Donc, un départ dans la CANAM, des matchs dans le junior, mais la chose qui ne fonctionnait pas, c'est que dans la CANAM, lorsque tu es libéré pour aller jouer ailleurs, bien, tu ne peux pas être réactivé ou re-signé avant 7 jours. Donc, ça aurait été toute une gestion là, pour le gérant avec son receveur réserviste. Et au final, bien, cette transaction n'a jamais eu lieu. Balle frappée en flèche par-dessus la tête de Merchant. Et ça roule jusque dans la gauche à Juwan James. Un simple pour Jay Austin. Un deuxième coup sûr pour Austin dans le match. On a un retrait au tableau. Et Alex DeBellis va s'amener. DeBellis, 2-3. Après avoir été impliqué dans une balle à double jeu en première manche. A réussi simple et points produits en troisième et simple en cinquième. Cinq, deux, Sussex. On remet la balle au premier but. Un avertissement pour Jay Austin, le rapide, hein, Jay Austin. Il a un total de 40 buts volés cette année. Et le tir, prise sur décision. Niveau de la Ligue CANAM en termes de buts volés, c'est Junior Arroyo des Boulders qui mène à chapitre. 46 buts volés, donc Austin terminera au deuxième rang cette saison puisque, outre Austin et Arroyo, les autres ne sont pas dans la même ligue. Jack Cartwright à 26, Richardson à 25 et Santos des Capitals à 23. Aucune balle et deux prises. Un retrait. Et DeBellis, 321 de moyenne. 26 points produits. Attend le tir de Mac Hacker, 0 et 2. Et de nouveau, remet la balle au premier. On veut s'assurer de garder Austin au premier pour être capable de compléter la balle à double jeu si jamais une balle est frappée au sol à la vache. Le tir sur la troisième prise. Debellis qui retourne au banc de son équipe. Première fois dans le match qu'il est retiré sur élan. Premier retour au bâton pour McHacker également. Carl Tomor. Un, deux, deux coups sûrs. Et un retour au bâton pour lui aujourd'hui. Et en termes, non pas de record, mais de meneur dans différents chapitres. Les Canam qui met fin à sa saison régulière aujourd'hui. Et Art Charles qui terminera au premier rang avec 28 longues balles. Jacobs, les Miners qui ne jouent pas aujourd'hui, en a 21. Donc Charles va terminer au premier rang des coups de circuit. Terminera également au premier rang des points produits. Il en a 99 avant le match d'aujourd'hui. Pourrait atteindre les 100. Balle frappée. Hacker qui échappe la balle et tout le monde sera sauf. Hacker a tenté d'en faire un petit peu trop. Merchant, le joueur de la cour qui s'amenait à la balle. Mais le lanceur a tenté de tout faire seul et ça n'a pas fonctionné. Et pour les points produits de Charles à 99, toute une campagne. Un des... En fait, le joueur de l'année dans la Ligue Can-Am, bien, à mon avis, ce sera Art Charles. On n'a pas encore dévoilé ce titre du côté de la Ligue, seulement l'équipe étoile qu'on a fait. Le tir qui rate à l'extérieur, première balle. Et en termes de coup de circuit, Charles à 28 ne battra pas le record de la Ligue en une saison qui appartient à Eddie Lantigua. Il est à 31. Donc peut-être, là, si Charles connaît tout un match aujourd'hui, c'est possible. Et on soulève un très haut ballon vers Brown au champ centre. Ça provient du bâton de Tomor pour le troisième retrait. Les Miners n'ont pas marqué dans cette manche. Un coup sûr, pas d'erreur. Et un courant a été laissé sur les buts. On s'en va en fin de septième. Sussex mène 5-2. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letrouduDiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de septième manche au stade Stéréo Plus. Et pour les Aigles, bien le Friends, Merchant et James vont affronter le partant Courlet qui amorce une septième manche au Mondicule. Toujours pas de releveur dans l'enclos pour les Miners. On surveille les Jays qui sont en action cet après-midi du côté de New York. Les Yankees qui mènent 5-3 en septième. Baltimore allait devant 7-3 contre Tampa Bay en 8e. Les Cubs mènent 3-1 sur Milwaukee. Les Mets sont à Cincinnati et mènent 5-0 sur les Reds en 7e manche. D'autres matchs vont débuter sur le coup de 16h05 dans le baseball majeur. Deux balles et aucune prise pour le Friends. Et le tir, prise sur décision, une première. Pour les gens qui n'ont pas encore appris la nouvelle, c'est arrivé hier soir pendant que le Friends claque une balle du côté droit. Le voltigeur perd cette balle dans le soleil, rentre en collision avec la clôture et capte la balle pour le premier retrait. Oh, Webb a eu un instant là où il cherchait la balle et au dernier moment, bien, en étant contre la clôture, a réussi à l'attraper et on va chercher un premier retrait. Et pour le Friends, bien, après un double et un simple, c'est la première fois qu'il est retiré dans le match. Et Merchant s'amène. Donc la nouvelle, eh bien, c'est le décès de Bob Bissonnette et du pilote de l'hélicoptère également, Frédéric Descoste. Michel Laplante, président des Capitales de Québec, était aussi à bord de l'hélicoptère. Lui, eh bien, a survécu à l'accident. Donc, au nom de tous les employés de C'est fou et de la grande famille des Aigles, eh bien, on souhaite nos plus sincères condoléances aux familles et amis de Bob Bissonnette, copropriétaire des Capitales de Québec, et de Frédéric Descoste. Bob, qui a déjà chanté et fait des entrevues sur nos zones avec les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et même moi, j'avais eu la chance de lui parler alors que j'étais à la radio universitaire de l'Université de Sherbrooke. J'avais fait une entrevue avec lui lorsqu'il avait sorti son troisième album pendant que Merchant a retiré sur trois prises. Deuxième retrait de la manche. Et j'avais même croisé Bob dans les bureaux des Capitales mercredi dernier. Et du jour au lendemain, bien, c'est une nouvelle qui a fait le tour des médias sociaux et on voit à quel point que Bob était populaire et que ses chansons plaisaient à énormément de monde. Jawan James est au bâton. Il le tire. Place la balle du côté droit et cette balle va tomber en lieu sûr le long de la ligne. Et Jawan James contourne le premier, s'en va en deuxième et laisse-t-il la sauve. Un double après deux retraits pour Jawan James. Un deuxième coup sûr dans le match. Il est parfait avec un but sur balle également. Rocket, 0-3, va tenter d'aider son équipe à l'offensive. Présentement, fin de session, on a besoin de points pour les Aigles pour revenir dans ce match. Premier tir trop bas, c'est une balle. Kulik, son prochain tir sera son 100e du match. Les frappeurs des Aigles qui se lancent rapidement ce soir, plutôt cet après-midi. Peu de buts sur balle et ça permet aux lanceurs de veiller plus tard dans le match. Le tir. Et la balle est frappée par Brockett du côté gauche. Le voltigeur doit reculer. Et cette balle est contre la clôture du deuxième. Jawan James croise le mort. C'est un double et un 11e point produit pour Brockett. C'est maintenant 5-3. Brockett a complètement surpris la défensive. On jouait de façon très rapprochée au champ gauche. Et Brockett qui place cette balle dans son champ. Un 10e coup sûr pour les Aigles cet après-midi. Et Javier Herrera, lui, il veut se reprendre. Il veut se reprendre d'une performance de 0-3, 3 retraits au bâton cet après-midi. Et avec la longue balle, Herrera pourrait ramener tout le monde à la case départ. Il en a 8 cette saison. Le tir serait là. Et c'était le genre d'élan de la longue balle. Les hanches qui ont tourné rapidement. Mais la balle n'a pas touché au bâton. L'essentiel pour claquer un coup de circuit. La 36 points produits, Herrera. Un but sur balle ne serait pas une mauvaise chose avec Matteo qui est subi au cercle d'attente. Le tir bas et à l'extérieur, première balle, une et une. Les trois retraits au bâton d'Herrera sur elle. Gaucher contre droitier, une et une. Cible à l'intérieur. Et le tir qui rate la zone des prises, deuxième balle. La patience qui rapporte. On s'élance beaucoup là, sur les tirs de Koulik qui n'a pas une vitesse de tir qui atteint là, les 87-88. Lance davantage à 85 000 à l'heure. Et les frappeurs qui s'élancent plus rapidement qu'à l'habitude. Balle frappée du côté gauche qui va rouler dans l'enclos. Deuxième prise pour Herrera. C'est certain que présentement l'avantage va au lanceur. Il a réussi trois fois à retirer Herrera dans ce match. Je suis certain que le frappeur s'en souvient. Et mentalement, Herrera doit passer par-dessus tout ça. Le tir. Troisième prise sur décision. Un quatrième retrait au bâton pour Herrera, ce qui met fin à la manche. Les Aigles ont tout de même marqué un point sur un total de deux coups sûrs. Aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. On s'en va en huitième. Sussex mène par deux points. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez CFOU.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CIFOU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous revoici en huitième manche avec Mac Hacker toujours sur la butte et changement défensif pour les Aigles derrière le marbre. Match terminé pour Carl Friends. Reed Lavallée s'amène dans le match. Je jette un coup d'œil à l'alignement défensif. Owens qui prend place également à l'arrêt court. Merchant qui est au troisième. Matteo est au premier. Donc match terminé également pour Mike Schwartz puisque James est dans la gauche et Crane est dans la droite. Donc, on donne la chance à tout le monde là, de jouer, de toucher au terrain pour ce dernier match. Chris Chiraglio sera le premier frappeur suivi de Irving et de Brocker, les frappeurs 7, 8 et 9 qui vont affronter McHacker. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec Éric Gagné du côté de Ottawa. Bien gagné, son match est terminé en cinq manches. Il a accordé un point, deux coups sûrs, aucun but sur balle et réussi six retraits au bâton. Il a été remplacé par Luis Munoz qui, en une manche, il a tout bousillé accordant 6 points, 6 coups sûrs, aucun but sur balle et 2 retraits au bâton. Québec mène 7-3 sur Ottawa. Aucune balle et une prise. Voici une deuxième prise sur décision. Hier, je parlais de la préparation mentale d'un lanceur partant versus de relève. Lemieux-Nose, il faut croire qu'il ne s'est pas ajusté à être releveur aujourd'hui puisqu'il est un partant habituellement. Et tu t'amènes dans un match comme ça après regagner devant une foule monstre à Ottawa. Et en une manche, tu flanches et tu permets à l'autre équipe de prendre les devants. Une et deux pour Chavardio. 5-3 ce sexe, début du huitième. Le tir. Balle frappée du côté droit. Rocket n'arrive pas à cette balle. Ça roule jusqu'à Connor Crane, le voltigeur de droite. Un simple pour Chavardio. Un troisième coup sûr pour lui dans le match. Quatrième fois qu'il atteint les sentiers. Autrefois, c'était sur une erreur. Nate Irving. 1-3. Bon match derrière le marbre également. Total à 24 coups sûrs dans le match d'aujourd'hui. Du côté de Rockland, les Jackals mènent 7-2 sur les Bourdeuses en cinquième. Hacker remet la balle au premier but. Chavardio, elle est rapide avec une marque de 2 points. On souhaite le garder au premier pour conserver la possibilité de la balle à double jeu. Gaucher contre droitier. Et encore une fois, on lance la balle au premier alors que le coureur est à même pas 2 pas du coussin. Simplement 2 avertissements. Voyons voir si Chavardio on va prendre plus d'écart et croire qu'on ne lancera pas la balle au premier but pour une troisième fois de suite. Le tir de Hacker. Rate à l'extérieur. On tente de surprendre au premier. C'est un jeu planifié là, par la vallée derrière le marbre. Un tir à l'extérieur. On remet au premier par la suite. Mais le coureur n'était pas très loin. Première balle pour Nate Irving. Le lancer, coureur est en course et fausse balle du côté gauche. Avec la saison qui se termine aujourd'hui, et le lanceur qui aura lancé le plus de manches cette année, ce sera Matthew Rush à 124 manches et 2 tiers, suivi par Alvarez à 109 manches et 2 tiers. Bollinger à 112 et 2 tiers, donc passe devant. Suivi par Lopez, 102 et 2 tiers. Donc, les lanceurs partants, bien évidemment, qui ont plus de manches lancées. En termes d'apparition dans un match, Kuzminski a été le plus utilisé pendant que Hacker récupère un amorti. Remet au premier à Matteo. On va remettre au troisième. On épingle le coureur. Double jeu! Et on a été un petit peu trop agressif du côté des Miners. En fait, je me demande pourquoi on a fait ce jeu. Puisqu'on a déposé l'amorti, ce qui, jusqu'à ce moment-là, va bien. Amorti sacrifice, on retire le coureur au premier. Mais le joueur qu'on pousse au deuxième décide de contourner le deuxième but et s'en aller au troisième. Mais Matteo, le joueur de premier but des Aigles, lance à Merchin au troisième. On touche au coureur alors qu'on était en avance. 2 retraits et personne sur les buts pour John Buckler. Donc, Kuzminski, 40 apparitions dans un match total de 45 manches. C'est lui qu'on a vu le plus souvent en termes de match lancé. Suivi par Dennis Neal à 32 et David Leblanc à 31. Leblanc qui est placé sur la liste des joueurs inactifs depuis un bon petit bout. Blessé. On devra voir là, s'il va revenir l'an prochain. Est-ce que Leblanc est dans les plans de Stanton? Il avait connu tout un début de saison, Leblanc. Il a terminé la campagne. Non, pas de la bonne façon. Ça s'est mal terminé pour Leblanc qui termine avec une moyenne de 5,93 en 30 manches et un tiers de lancé. 23 retraits au bâton, 19 buts sur balle. Mais il y a un moment où Leblanc avait une moyenne à un seul point accordé. Et lorsque sa blessure à l'épaule s'est manifestée, bien les choses ont commencé à mal aller pour lui. J7-2. J7-2. 5-3, Sussex, 2 retraits. On vient d'accorder un but sur balle pour Butler. Gaucher contre Gaucher. McHacker qui fait du bon travail là, sur la butte. On ne l'a pas vu beaucoup avec les Aigles. Des fois qu'on l'a vu, ça a été catastrophique. Mais aujourd'hui, dans une troisième manche présentement, ça va bien. Pas trop d'erreurs. Pas trop de balles frappées avec aisance par l'adversaire. Balle frappée vers Matteo qui est saisi après un bond. Touche à son premier coussin pour le troisième retrait. Les Miners n'ont pas marqué. Total de un seul coup sûr, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Direction fin de huitième. Sussex mène 5-3. Depuis le stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Vendredi 9 septembre, 21h30. Votre café-bar, le Zénob, vous invite au spectacle irrévérencieux de la formation montréalaise Robert Fusil et les Chiens fous. Pour une soirée de folk poubelle festive, soyez avec nous au Zénob ce samedi 9 septembre pour Robert Fusil et les Chiens fous. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Que les gens sont méchants, qu'ils s'offrent au plus offrant et au... Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de huitième, dans ce dernier match déjà de la saison 2016 des Aigles de Trois-Rivières. C'est le dernier match aussi des Miners, puisque les deux équipes ne participeront pas aux séries. Les Aigles qui tentent d'aller chercher une troisième victoire de suite. Et on va commencer cette manche avec Daniel Matteo, Connor Crane, ainsi que Steve Brown. Pour Matteo, dans le match 0-3. Tape de la droite contre le gaucher. Kolek qui est encore dans le match. On ne prépare même pas la relève encore. Est-ce qu'on se dirige vers un match complet? Bien, si la marque demeure ainsi, on va probablement donner la balle à Downing en 9e. Balle frappée au champ centre par Matteo. Brillante façon pour débuter la manche. Avec un coureur au premier. Et Connor Crane qui va suivre. Est-ce qu'on va jouer le baseball des situations? Ou encore tenter l'élan complet pour Connor Crane? On a deux points à rattraper. Un amorti, eh bien, on placerait Matteo au deuxième. Mais on est encore loin de la victoire. Mais de l'autre côté, on est en huitième. Il reste une autre manche après pour marquer des points. J'ai bien l'impression qu'on va tenter le tout pour le tout. Mais je ne suis pas dans le secret des yeux. Voyons voir ce que Connor Crane va faire. Retire vers le marbre. Prise sur décision. Crane Deux coups sûrs en trois apparitions au bâton. Matteo, 1 en 4, il est au premier. Et on remet la balle à Webb qui touche Matteo, mais ce dernier était déjà sur le coussin. Matteo a fait une feinte de s'en aller au deuxième. C'est pourquoi qu'on décide de le ramener à sa place. Aucune balle et une prise au frappeur droitier. Lacune balle en hauteur à l'entrechamp. Le joueur de raccourt recule et capte cette faible flèche pour le premier retrait. Un drôle de son, là. La balle qui a touché le manche tout près des mains de Connor Crane. Il n'a pas eu le contact espéré et Brown s'amène avec un retrait. Brown, un match non pas parfait. Oui, il a trois présences sur les buts, deux fois grâce à des symboles. Fois, c'est une troisième prise mal échappée et il est arrivé avant le relais. Donc, 2-3 avec un retrait au bâton face à Kulik. Et son prochain tir sera son 112e dans le match. Sur élan, première prise. Brown, 272 de moyenne avant ce match. 8 longues balles, 41 points produits. Longue pause de Kulik et encore une fois décide de lancer la balle vers le premier but. Pour Daniel Matteo, cette année en termes de buts volés, 8 au total. Et il agace drôlement le lanceur qui retire son pied de la plaque. Matteo qui transfère son poids là, vers le deuxième but. Et le gaucher est en face à Matteo, bien ça l'agace drôlement. Le tir au marbre. Le balle est frappé du côté gauche. On va remettre au deuxième point. Et au premier, attends pour le double jeu qui s'inscrit. 5, 4 et 3. Pour les Aigles dans cette manche, pas de points. Un coup sûr, pas d'erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après 8 manches complétées, Sussex 5, Trois-Rivières 3. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Fier partenaire de la radio C'est fou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en 9e manche. Les Miners qui vont tenter d'ajouter à leur avance pour tenter de terminer le bal en fin de 9e. Ils mènent par 2 points. McHacker va commencer une 4e manche sur la butte. Derek Piles sera le premier frappeur pour Sussex, suivi de Jay Austin et de Alex DeBellis. Biles retiré lors de sa seule apparition au bâton. Il avait frappé un ballon au champ droit. Le tir prise sur décision. 7-3 Québec sur Ottawa en 7e. 7-2 Jackals sur les Boulders en 6e manche. Éric Gagné en 5 manches de travail à Ottawa. Il a accordé 2 coups sur 1 seul point. Aucun but sur balle et réussi 6 retraits au bâton. Fausse balle du côté gauche. 2e prise pour Derek Piles. Une et deux. Petit hacker. Balle frappée vers Ruiz à l'arrêt court qui remet au premier à temps pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 6-3. Première fois que Ruiz est impliqué dans un jeu défensif. Dans le match, il a remplacé Merchant qui lui est maintenant au troisième but. Mathieu qui est au troisième est au premier. Et Schwartz, match terminé. J'ai Austin, l'auteur de 2 coups sûrs dans le match, se présente au bâton. 2-4 pour lui. Balle frappée au sol et Brockett glisse, mais ne peut bloquer la balle. Un simple, un troisième cet après-midi pour Austin. Tout à l'heure, on commençait à faire le tour là, des statistiques individuelles dans la Ligue. Charles, 28 coups de circuit et le meneur. Même chose au niveau des points produits, 99 avant le match d'aujourd'hui. Au niveau des buts volés, bien Union Arroyo des Boulders à 46 va gagner. En termes de matchs joués, bien Lennerton à Québec aura participé aux 100 matchs de la saison des Capitales puisqu'il est en uniforme aujourd'hui. C'est le seul dans la Ligue Can-Am à avoir joué les 100 matchs de la saison. Mathéo, lui, en aura 99 à sa fiche. Quant au point marqué, Union Arroyo des Boulders à 88, mène par 10 contre Charles. Donc lui aussi, Arroyo va gagner cette catégorie. En plus des buts volés, balle frappée au sol. Merchant va capter main nue, remet au premier! Et complètement hors cible. Et Mathéo va aller à la balle. Et ça va être une erreur. Une 4e pour les Aigles aujourd'hui. Et ça permet au coureur Austin de s'en aller jusqu'au 3e. Merchant a tenté de faire trop vite, mais le relais au premier était hors cible. Mathéo qui a dû reculer jusqu'à la toile, là, tout près du marbre d'exercice pour aller chercher cette balle. On n'a pas marqué, c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour les Aigles sur ce jeu. Et on doit stopper le tout pour garder 2 points d'écart. Puisque 2 points en 9e, ça se fait bien. 3-4 points, ça commence à être une bonne commande comme ça avec la pression. Michael O'Neill des Jackals terminera la campagne au sommet des coups sûrs dans la Ligue à 131 avant le match. Jay Austin qui vient de frapper un 3e coup sûr, donc va terminer le match et la saison à 130 coups sûrs. Quand même, une bonne campagne. Balle frappée vers le joueur de 2e but qui va remettre au 2e point. Et au premier! Pas à temps. 1 point marque sur la séquence. 6-3, les Miners. 1 point produit à l'affiche de Tomor. Optionnel à sa fiche également. Pour les doubles dans la Can-Am. Avant la partie d'aujourd'hui, on avait égalité en tête entre Corey Vaughn des Jackals et Marcus Connect des Capitales de Québec à 27. Et pour les buts sur balle, de loin, le gagnant Sébastien Boucher, 86 passes gratuites. Son plus proche poursuivant, Art Charles, en a 20 de moins. Et dernière statistique que je veux partager avec vous, le taux de présence, en fait le pourcentage de présence sur les buts, le gagnant Junior Arroyo des Boulders à 482. Une balle et une prise pour Dominic Taylor à deux retraits. Début de neuvième dans ce dernier match de la saison 2016. Temps d'arrêt demandé à la dernière seconde par l'officiel derrière le marbre et par le frappeur Taylor. Balle frappée vers Hacker, ça touche le bout de son gain. La balle va rouler au champ centre et le coureur s'en va au troisième. Et Brown ne remet pas la balle au troisième, préfère l'envoyer à l'intercepteur. Un simple de Taylor et Miners qui menacent de nouveau avec des coureurs aux extrémités. Va-t-on procéder à un changement de frappeur? Oui. Chris Jacobs va-t-il s'amener au bâton? Mais on a un changement de lanceur ou encore visite de rush sur la butte. Je ne crois pas qu'on va procéder à un changement de lanceur puisque Neil est debout, là, mais n'avait pas commencé encore ses lancers de réchauffement. Rush qui parle avec Hacker ne procédera pas à un changement de frappeur. Là, je croyais que voir... Enfin, j'ai vu Charidio retourner au banc de l'équipe en courant, mais... C'était pour autre chose. Ce n'est pas un changement de frappeur pour les Miners. Donc, deux retraits. On mène par trois pour ce sexe et on pourrait augmenter cette avance. Et on ne verra pas Downing en fin de neuvième. Il ne prend pas de tir encore. On va donner... Enfin, on va tenter de donner un match complet au lanceur partant, Ryan Kulick. Rush qui retourne au bas de son équipe. Et Chirardio va se placer dans le rectangle des frappeurs gauchers. Le premier tir de Hacker. Rate au coin extérieur, c'est une balle. Pour Chirardio, dans ce match, trois coups sûrs en trois apparitions au bâton. Tout un match pour le joueur d'arrêt court de Sussex. Le coureur est en course et la vallée préfère garder la balle avec lui. On a maintenant deux coureurs en position de marquer pour les Miners. On va franchir dans les prochaines minutes les trois heures dans ce match. Le lancer. Bien bloqué par la vallée. Troisième balle de suite. Si jamais on va plus loin, Nate Irving sera le prochain frappeur. 17 coups sûrs pour ce sexe, 11 pour les Aigles. Première prise sur décision. Dernière chance pour les Jays contre les Yankees. 5 à 3 la marque en 9e. Les Cubs mènent 7 à 1 contre Milwaukee en 9e également. Et les Mets 5 à 0 contre les Reds en 8e. Le tir. Deuxième prise sur décision. Un match est terminé dans le baseball majeur. Baltimore l'emporte 7 à 3 contre Tampa Bay. Compte complet. Le tir. Rate à l'intérieur. C'est une quatrième balle. Les sentiers sont tous occupés pour Nate Irving. Belle occasion pour ce sexe de prendre un contrôle dans ce match. Avec trois points, on est quand même bien placé. Mais un coup sûr là, de Irving. Et pour les Aigles, ça va être difficile de revenir. pour Irving dans la partie aujourd'hui. 1-4. Le prochain tir de Hacker sera son 55e du match. Le premier tir prise sur décision. Le partant des Aigles, Alvarez, a été nommé il y a quelques jours le lanceur du mois d'août dans la CANAM. Donc la balle est frappée au sol. Est-ce qu'on va être capable de compléter? Brockett remet à Matteo. Attends pour le retrait. C'était pas évident puisque la balle était frappée avec peu de force. Un retrait qui s'inscrit 4-3. On a marqué un point dans cette manche pour les Miners. On s'en va donc en fin de 9e. Les Aigles ont besoin de 3 points pour forcer la prolongation. Et de 4 points pour l'emporter, en vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Dans le cadre du spectacle de la rentrée à GEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30$ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35$ à la porte. Le spectacle de la rentrée de l'AGE-UQTR, une présentation de CIFOU 89.1 FM. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Attention, cher public. La sortie de secours est à votre gauche. Une émission d'actualité les mardis à 20h sur les ondes de CIFOU 89.1. Bienvenue à bord. En ondes, les soirs sans diffusion officielle du baseball des Aigles de Trois-Rivières. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de 9e manche au stade Stéréo Plus. Est-ce que ce sera la dernière demi-manche de cette saison 2016? Et ainsi, les Aigles marquent 2 points et moins, oui. Si les Aigles marquent 4 points, oui. Mais si jamais Trois-Rivières marque 3 points, on s'en ira en 10e manche comme hier après-midi. Et le partant Kulik va tenter le match complet. Il est encore sur la butte, va affronter là, le départ Yixon Ruiz. Et en cas de Ruiz, c'est une première présence au bâton pour lui dans le match. Ruiz a commencé à jouer en défensive en 8e. Frappera comme un droitier contre le partant gauche. Premier tir, prise sur décision. En cas de Kulik, c'est la première fois qu'il dépasse les 6 manches et 2 tiers dans un match. Balle frappée dans la droite par Ruiz, captée par le voltigeur Webb pour le premier retrait. Il a lancé 6 manches et 2 tiers le 10 août à Ottawa. Et ce fut sa plus longue sortie de la campagne. Kulik en voie de signer une 5e victoire cette saison. Il a 2 défaites. Et Reed Lavallée s'amène au bâton. Lavallée, lui aussi, première apparition au bâton dans la partie à remplacer Le Friends en 8e derrière le membre. Premier tir prise sur décision. Mario Santangelo prend des tirs dans l'entour si jamais les Aigles marquent 3 points. Deuxième prise sur décision. Officiel qui a semblé agrandir sa zone des prises pour les deux équipes lors de la dernière manche. Le lancer. Troisième prise sur elle. Deuxième retrait. Et Merchant s'amène avec deux retraits. Les meneuses en excellente position pour aller chercher la victoire, une deuxième dans cette série. Et pour Merchant, dans le match, il a réussi un coup sûr en deux apparitions au bâton avec un but sur balle. Et le premier tir, prise sur décision. Merchant avance match 262 de moyenne, une longue balle. Il a 13 points produits. Le tir qui rate à l'extérieur, première balle, une et une. Joanne James attend son tour au cercle d'attente. Balle frappée du côté gauche, c'est un simple pour Merchant. Ce n'est pas terminé ce match. Est-ce que Jiwon James peut poursuivre? Il a une bonne partie, là, Jiwon James. Deux coups sûrs en trois. Un simple en première et un double lors de la septième. Kulik devra mettre son bras et son épaule dans la glace puisqu'il a lancé 85 prises et 34 balles jusqu'à maintenant. Beaucoup de lancers. Le tir trop haut, c'est une première balle. Le tir. Fausse balle contre le filet, une et une. Histoire du match, bien les Aigles ont été les premiers à s'inscrire au pointage. Deux points dès la deuxième manche. Réplique des Meneuses, trois points en troisième. Et depuis ce temps, bien, ils n'ont jamais vu les Aigles reprendre le dessus. Balle frappée du côté gauche, un autre simple, cette fois par Jawan James. On a deux coureurs sur les buts, le point égalisateur s'appelle Brockett au troisième et plutôt au marbre. Et sorti de Bobby Jones, va aller parler là, à Kulik. On va amener tous les joueurs en défensive. On va donner un petit peu de repos aux lanceurs. Il manque seulement un retrait là, pour les Miners pour gagner. Jones qui retraite au bas de son équipe. Tout le monde va se replacer en défensive. Et en cas de Brockett, a réussi un simple et un point produit lors de son dernier tour au bâton, 1 à 4 au total. Est-ce que Brockett peut poursuivre ce match? On a Herrera au cercle d'attente qui, lui, à 4-3 au bâton, aujourd'hui aimerait certainement se reprendre. Brockett n'a pas le droit à l'erreur. Le premier tir touche le sol, c'est une balle. Brockett, deux fois, il a été retiré sur décision. L'autre fois, c'est un roulant vers le joueur de troisième but. Le lancer. Balle frappée au champ centre et le voltigeur va s'avancer et capte la balle. Match terminé. Victoire des Miners de Sussex par la marque de 6-3 contre les Aigles. Courte pause au retour, fait sans rien des statistiques de ce match en vous rappelant qu'en direct du stade Stéréo Plus, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1 FM. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez CFOU.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. Fier partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. Retour au stade de Stéréo Plus pour cette émission d'après-match du baseball des Aigles qui s'incline ce soir par la marque, plutôt cet après-midi par la marque de 6-3. Donc pour les Aigles, eh bien, on n'a pas été capable d'effectuer la remontée lors de la fin du match. Et l'équipe, bon, qui n'a pas connu une très grosse saison, mais les gens qui restent au stade, on félicite notre équipe qui a gagné quand même la Coupe l'an dernier. Et cette année, eh bien, c'est un petit peu plus difficile. Et TJ Stanton s'adresse au public, donc je vous laisse entendre les propos du gérant. C'est vraiment gentil, avec très, très bons fans ici. Toutes les autres équipes dans le KNM, vraiment impressionné avec tout le monde ici. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était les commentaires de TJ Stanton qui, en français, s'adressait aux partisans encore présents au stade Stéréo Plus. Et les Aigles, bien, ce sera une reconstruction. À l'an prochain, avec Stanton qui va vraiment prendre les contrôles de l'équipe. Et est-ce qu'il va changer son équipe d'adjoint? Ça, c'est à lui de décider comme partant. Mais on a Rush, on a Alvarez qui vont revenir assurément. Et on aura beaucoup de nouveaux lanceurs l'an prochain pour les Aigles en termes de vétérans. Bien, ce sera Stanton à faire son recrutement. Et on lui souhaite bonne chance et on espère qu'il puisse amener une équipe gagnante dès le début de la saison, ce qu'on n'a pas eu beaucoup là, depuis les quatre premières années. Donc l'an prochain, les Aigles seront de retour pour une cinquième saison. Sommaire complet du match pour les Miners, 6 points, 18 coups sûrs, aucune erreur. Et pour les Aigles, 3 points, 13 coups sûrs et 3 erreurs. La victoire va au dossier de Ryan Kulick, c'est une cinquième victoire pour lui cette année. La défaite va au dossier de Edson Alvarez, une cinquième pour lui. Il a 6 victoires. L'assistance au match de cet après-midi, 1711 spectateurs. Les Aigles terminent donc le calendrier avec une fiche de 35 victoires et 65 défaites. Et dans les matchs ailleurs présentés dans la Ligue CANAM aujourd'hui, bien du côté de Ottawa, Eric Gagné a lancé 5 manches. Il a accordé 2 coups sûrs, 1 point, aucun but sur balle réussi. Un total de 6 retraits au bâton. C'est 8-3 Québec toutefois en 7e et à Rockland 7-3 pour les Jackals sur les Boulders de Rockland. Est-ce que Mathieu est capable de m'entendre en studio? Oui, je suis là, Simon, ça va. Donc Mathieu, je tiens à te remercier pour ton excellent travail cette année à la réalisation et mise en onde de ces reportages. Merci Simon, je te remercie toi aussi, tu as fait un excellent travail et je prends mes notes pour les heures de début et de fin de chaque match depuis le début et si on compte le match d'aujourd'hui qui a fait 3 heures, on a animé ensemble, ben en tout cas, fait de la radio ensemble pendant 188 heures et 5 minutes environ cet été. 188 heures, c'est incroyable. Hein? Sinon, je me demandais pourquoi l'équipe des Miners n'avait pas laissé gagner les Aigles ce soir aujourd'hui, je trouve ça plate un petit peu de leur part, moi j'aurais laissé gagner, c'est clair. c'est certain que les gens au stade auraient aimé ça, mais les gens qui sautent sur le terrain, rencontrent les joueurs. Au final, c'est une belle après-midi de baseball. Absolument. Je vais te demander si tu savais où retournait TJ Stanton pendant l'été. Est-ce qu'il retourne à son chalet dans les Stantons de l'Est? Non, Stanton qui habite à Québec. A une conjointe québécoise, donc habite tout près de Lévis. Et il va passer l'hiver ici sur Accessible pour les dirigeants des Aigles. Et il va revenir l'an prochain là, pour une... premier début de saison avec l'équipe. Génial. Toi qui es au marketing, Simon, l'année prochaine, est-ce que le slogan à la hauteur de la compétition va revenir? c'est certain qu'on va changer quelque chose à ce niveau-là, mais ça avec pourrait un être championnat, ça peut pas être pire que l'an passé, quelque chose comme ça, non? Tu pourrais être là lors du débat, mais je pense pas que celui-là va être retenu. Je pense pas que je vais être invité à cette petite réunion-là. Merci, Simon. Mais merci beaucoup, Mathieu. En terminant, honnêtement, pour ton bon travail. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et c'est un plaisir de travailler avec toi. C'est très le fun avec moi aussi. Donc voilà, c'était Mathieu Plante, le metteur en onde et réalisateur des matchs des Aigles à la radio. Donc lui est en studio du côté des bureaux à l'UQTR parce qu'on était à l'intérieur, à l'air climatisé. Et dans le cas de Mathieu, bien, j'espère le retrouver l'an prochain pour une autre saison à la description du Baseball des Aigles. Et dans mon cas, bien, je tiens à remercier M. Jean-Philippe Charbonneau, directeur général de la station, pour sa confiance à mon endroit depuis 2 ans et surtout du fait qu'il croit aux produits des Aigles à la radio. Donc, un gros merci. Si les reportages sont possibles, c'est grâce à cet homme. Donc, merci Jean-Philippe encore une fois pour cette 2e saison. Et merci également à Tania Beaudoin qui est représentante des ventes à C'est fou 89.1 FM qui permet elle aussi qu'on puisse faire des reportages comme ça en direct tout l'été. Et à mon nom personnel, Simon Laliberté, bien, ce fut un plaisir d'être avec vous pour une 3e été déjà, une 2e à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. On a passé plus de 60 soirées ou après-midi ensemble cet été. J'étais seul cette année à la description. Ce fut un ajustement à faire. J'espère que vous avez apprécié m'entendre dialoguer comme ça pendant une 60aine de matchs. De mon côté, j'ai adoré lorsqu'on se croisait à l'intérieur du stade. Bien souvent, vous avez des commentaires positifs à mon endroit. Donc, ce fut très flatteur. Et juste pour vous dire que c'est un privilège pour moi d'être comme ça, directeur, plutôt, non pas directeur, mais descripteur des matchs des Aigles. Le baseball est une passion pour moi. Et je peux même vous annoncer que ça va se poursuivre l'an prochain puisque la 3e année de l'entente avec la station C'est fou bien, aura lieu. Donc, il reste seulement qu'à vous dire, je vous souhaite une bonne hiver, bonne saison de hockey pour les gens qui suivent le Canadien, les Cataractes, les Patriotes dans la région. Et pour les gens qui suivent les autres sports, bien, je vous souhaite un bon hiver aussi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à l'an prochain pour une autre saison de baseball des Aigles à C'est fou 89.1 FM. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Du spectacle de la rentrée AGEUQTR le 7 septembre prochain, retrouvez sur la scène Vidéotron Mobile Half Moon Run et The Franklin Electric. Un spectacle gratuit sur présentation de cartes pour les étudiants et employés. 30$ en pré-vente jusqu'au 2 septembre prochain et 35$ à la porte. Le spectacle de la rentrée de AGEUQTR, une présentation de C'est fou 89.1 FM. Samedi 10 septembre, 21h30, votre café-bar Le Zénob accueille sa formation jazz familière, le Trio Nelligan. Pour une soirée tout en musique, venez découvrir ou redécouvrir le Trio Nelligan ce samedi 10 septembre au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi! Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Fiers partenaires de la radio C'est fou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5$. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Beaudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. C'était le Baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Pour connaître l'horaire de diffusion des prochains matchs sur nos ondes, visitez lesaigletr.com. Pourquoi les oreilles sont pas sèches? 97 au milieu de la 40. Campus de poste adolescent, s'empare d'un local et branche des micros.